Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans l'Estamine Nerd, le podcast qui parle de techno, de société et de culture pop, un établissement ouvert sur toutes vos applications et systèmes de podcast préférés partout où on sait lire un flux RSS. Je m'appelle Matt et nos convives du jour sont évidemment Monsieur Chris 2. Salut Chris 2. Salut Matt, comment ça va? Qu'est-ce que je vous sers, mon petit Chris 2? Eh ben écoute, j'ai regardé la carte et je vois que t'as de côté un petit Tasty Sanbianchu, une petite liqueur, un petit alcool de riz dans lequel fermentent des pénis d'animaux, de cerfs, de chiens et de phoques. C'est un alcool chinois traditionnel apparemment. Je vois que t'as ça en boutique, tu peux m'en servir un petit verre? J'ai une cuvée spéciale au pangolin, je te propose de goûter et de nous en parler à la fin de l'émission. Pas de soucis, l'alcool ça tue les microbes donc on est parti. Est-ce que V pour Valentin, tu souhaites toi aussi réaliser des expériences gustatives ce soir? Salut Val. Bonjour. Oui. Eh ben, écoute, très bien. Tu vas me mettre un petit verre d'adrénaline, s'il te plaît, car je suis un peu. Et on nous accueillons aussi Monsieur Yanda. Salut Yanda. Salut Matt. Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'on boit, mon petit Yanda? Écoute, moi j'ai pas le temps de dessouler entre deux épisodes, donc ce soir on va y aller mollo. Tu vas me mettre un petit verre d'eau, je te prie. Est-ce que tu veux de l'eau ferrugineuse? De l'eau plate. Du château La Pompe. Est-ce que quelqu'un a cette référence d'eau ferrugineuse ou vraiment on a perdu tout le monde? Absolument pas. Là, j'allais te demander justement qu'est-ce que c'était. D'accord. C'est un sketch de Bourville en fait. Ah. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Mais l'eau ferrugineuse, oui. Et en fait, d'accord, c'est un spot anti-alcool où il est ivre-mort. Voilà. Face au succès de cette blague, je vais prendre une Krishka pour ma part, qui était une bière aromatique que j'aimais bien. Ça fait une dizaine d'années qu'on n'en trouve plus en France. Donc, si j'en trouve. C'est parce que Igor les a toutes bues, je pense. Krishka, Bogdanov et Igor. Tu crois qu'ils ont un menton décapsuleur? Tu crois qu'en fait, en dessous, si tu mets la bouteille par en dessous, tu peux la. Ouais, absolument. Ouais, ça peut marcher. Voilà. C'est ce que j'ai envie. Le cadre est posé, je pense qu'on est bon. C'est selon j'ai envie, mais ce que je ne vais pas boire ce soir, voilà, évidemment. Chris, de quoi on ne va pas parler ce soir? Moi, je pense qu'on va pas parler de l'élection américaine, parce que j'en ai assez entendu parler comme ça, et que je m'en bats les steaks, donc éventuellement, si on pouvait ne pas en parler, ça m'irait bien, voilà. Ouais, on pourrait faire un podcast avec des choses dont on ne parle pas. Tous les sujets dont on ne va pas parler ce soir seront détaillés là, maintenant, en fait. Je sais pas de quoi on pourrait ne pas parler, Valentin. Moi, je pense qu'on va pas parler des couches d'isolation qu'on met dans les maisons des années 70, parce que je ne sais absolument pas ce que je dis. Alors, attends, j'ai une anecdote pour Valentin. Non. Tu sais que l'isolation. Non, mais on a dit qu'on en parlerait pas. L'isolation. Le train de la hype est passé, monsieur Chris. Ah, pardon. Bon, bah, je m'en vais alors. Je pars. Je reprends mon verre de Tenbachu là et je me casse. De quoi on parle pas? Écoute, ce soir, j'ai pas envie qu'on parle de la différence d'acoustique et de qualité sonore entre le rap français des années 90 et le rap américain de début 2000. Ah, très bien, c'est un sujet que je comptais ne pas aborder donc. Ça tombe bien. Eh ben, du parfait. Coup, on est raccord, ça c'est cool. Nickel. On a vraiment bien préparé cette émission. Je suis chaud pour écouter ce que voulait dire Chris maintenant. Non, je. Il est parti, je crois. Il est revenu. Tu sais que l'obligation d'isoler les logements, c'est arrivé en France avec le choc pétrolier en 74. C'est fou cette histoire, non? Voilà, c'était très intéressant comme anecdote. Merci, bonne soirée à tous, lavez-vous les mains. C'est-à-dire que c'est l'obligation, t'es obligé, tu peux pas faire une passoire thermique. Si toi t'as envie de faire une pauvre maison, de mal isoler et de payer trop cher de chauffage, t'as pas le droit? J'en sais rien. De toute façon, voilà. On a dit qu'on n'en parlerait pas, donc du coup, voilà, on peut pas développer. Mais, on peut pas développer. Ce qui m'arrange, sûr. Parce que j'en sais rien. Mais... L'autre chose dont on ne va pas pouvoir vous parler ce soir, c'est notre pizza game. La dernière fois, on a dit c'est promis, c'est pour la prochaine fois. Ah, oui, et oui, en fait, oui. Non. C'est dramatique. Quel genre de mytho, putain. C'est à cause de Chris. Ouais, voilà. ça y est, c'est de ma faute. Voilà. Bah oui. C'était à moitié promis d'avoir un quiz et effectivement, il n'y aura pas de quiz ce soir. Oui. Il a placé ça. Il a placé l'absence de quiz, Valentin, là, à l'instant, ni vu, hop, c'est glissé, hein, on parlait de la pizza, hop, terminé, voilà. Il va dire que c'est de ma faute aussi. Mais oui, Chris, pourquoi tu vis à la campagne, toi? Quelle est cette idée? Parce qu'en fait, j'habite trop loin. Il livre jusqu'à 10 km et moi, j'habite à 12 km. Voilà, donc c'est le drame de ma life. Oh, et confinement oblige, je ne vais pas sortir et payer ma pizza 135 €. Ça m'embêterait, tu vois. Ce qui est énorme, on serait dans un film, il y aurait un canyon entre la pizzeria et ta maison, le mec aurait installé une sorte de catapulte d'un côté du canyon et il aurait catapulté la pizza sur les 2 km qui manquaient. Chris, attrapez. Et ce serait passé, tu vois. Ça fonctionnait. Mais là, du coup, on est dans la vraie vie et le mec, il s'arrête au bout de 10 km. C'est quoi, c'est la rallonge de son scooter électrique? Tu peux pas aller jusqu'à chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, je fais 2 km dans l'autre sens et je lui demande de me livrer à une adresse. Comme les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, ils se faisaient bien livrer à une plaque d'égout. Mais ouais, non, mais je connaissais un gars qui faisait ça parce que je crois qu'il habitait genre 100 mètres trop loin, véridique, et donc il livrait pas dans sa rue, mais il livrait dans la rue d'à côté. Et donc le mec se faisait livrer dans la rue d'à côté, il attendait le livreur dans la rue d'à côté. Alors je plaide coupable pour ce genre de truc, ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps de retourner à mon taf le soir parce que on s'était fait livrer à bouffer là-bas. Parce que bah, le resto qui livrait à mon taf, mais ne livrait pas chez moi. Donc du coup, c'était un restaurant coréen, bibibap. Donc excellent. T'as fait une heure de route pour prendre ton repas. Alors non, parce que du coup, le soir, ça circule beaucoup mieux. Il a fait que 45 minutes de bouffe. J'ai fait une bonne demi-heure quand même. J'ai fait une bonne demi-heure aller-retour pour aller chercher le repas. Et j'ai donc attendu devant mon taf fermé que le livreur se pointe. Et je fais merci, ok, merci. Et puis j'ai attendu qu'il se casse pour remonter dans ma bagnole et barré parce que bon, donc ça m'est arrivé. Et t'es arrivé chez toi, coupable. C'était froid quand t'es arrivé chez toi, évidemment. Non, ça va. Ça valait le coup, du coup. Ouais, complètement. Mais complètement. Ah. Même si ça avait été froid, de toute façon, ça aurait valu le coup. C'est tellement bon. Putain. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que vous êtes. Du coup, la livraison, ça va? On aime bien ça, la livraison? Vous faites du Deliveroo, des trucs comme ça aussi ou Ah non, mais je. Ou non, vous avez un peu d'éthique. Je boycotte. Non, alors, livraison, je fais pour les Domino's et tout ça. Enfin, oui, c'est Domino's. Parce qu'eux, ils emploient vraiment leur. Enfin, ils sont salariés de leur boîte, ces livreurs-là. D'ailleurs, j'en profite pour placer, puisque tu parles de Domino's, oui. On peut bénéficier d'une opération promotionnelle si vous suivez le lien affilié qui sera en commentaire de ce podcast ou qui défile actuellement sous votre écran afin de bénéficier d'une promotion extraordinaire concernant ces fabuleuses pizzas de chez Domino's. Merci de nous soutenir, c'est important. J'étais étonné qu'il l'ait pas placé, ça me rassure. J'ai cru qu'il avait perdu la main. Non, tu sais, attends. T'as vu qu'en plus, il a son petit casque de commentateur de foot et il est bien concentré dans le texte quand il dit ça. T'as l'impression de regarder ces gens là sur TF1 que je connais pas puisque bah, pas comme mais, ça, Zinedine, pas comme ça. Donc oui, alors les livreurs des pizzas qui sont des vrais livreurs de pizzas, en ouais, fait, c'est le seul truc que je me fais livrer chez moi, bah, j'envoie ma commande par internet et j'attends que Chris vienne me livrer ma pizza après. Tout à fait, parce que moi depuis que j'ai le BSR, je fais ça, j'ai passé mon BSR en troisième et depuis je suis un fou du scooter et je livre des pizzas à tour de bras, j'adore ça. Il fait des wheels. Ouais. Il est trop fort. Vrai. T'as changé le pot? T'as mis les galets? Ouais, moi j'ai pris toutes les options. Parfait. J'ai un petit néon sous le. Ah, nickel. L'aileron. T'as un pot ninja? Le pot ninja. Bah évidemment. Ah, Gianelli, c'est mieux. Ça me fait penser à 103 SP de MC Circulaire, si vous connaissez pas cette chanson. Mais Je n'ai jamais fait de motocyclette, de scooter, de deux roues. C'est de vrai? Tout ça. Jamais. C'est jamais, vrai? Jamais de la life. Ouais, ouais. T'en as jamais eu besoin? Ah, mais non, pas mais de motocyclette? Je me le faisais voler avant de me le faire. T'as toujours habité dans une grande ville, toi? Non, à Couiron, ça va, c'était assez restreint en termes de. Ouais. Pour aller voir, checker Couiron sur Google Maps, ça vous intéresse, mais c'est, oui, en termes de périmètre, c'était assez restreint. Parce que moi, quand j'étais jeune, très jeune, j'avais absolument besoin d'un scooter, puisque habitant dans un petit village de campagne, pour aller dans la grande ville de 5000 habitants. La ville, il va à la ville. Voilà, il fallait que j'ai mon moyen de locomotion, donc le scooter bridé, évidemment. C'était essentiel, c'était obligatoire pour avoir. Tu veux dire qu'il était d'origine asiatique? Oh là. Parce que c'est alors, un petit peu discriminant ce terme. Cela va être coupé. Cela va être coupé au montage. Oh, ça passe, c'est pas grave, c'est encore moi qui vais prendre comme d'habitude. Bah oui. Ça va, tu l'as pas fait en faisant une voix rigolote? Bien sûr. Je prends mon scooter parce que j'habite en Chine, bien sûr. Bon, bref, alors. Non, j'allais rebondir. Si, croyez-le ou non, alors je ne sais pas pourquoi je commence comme ça, puisqu'on s'en fout. J'ai un pote qui. Non, parce que du coup, on ne croit pas là, tu vois. Qui a fait. Je nous propose. Ouais, là, en j'ai fait, des doutes. Lui, il a fait des Deliveroo pendant 3 mois pour s'acheter. En fait, il s'était acheté un vélo. Un vélo assez. Enfin, pas bas de gamme en tout cas, un vélo assez cher. Et il s'était fait 3 mois de Deliveroo pour rembourser son vélo, ce qui est plutôt une bonne. Une bonne tactique. Il a réussi? Du coup, il a réussi au bout de 3 mois, c'était peut-être même moins que ça, entre 1 et 3 mois, à rembourser son vélo. Et le mois suivant, il s'est fait voler son vélo. Voilà, donc du coup, il était un peu triste et il s'est jamais repris de vélo derrière. Voilà. Ah bah tu m'étonnes, si ça lui demande 3 mois de turbin pour se les faire, piquer, c'est dommage. Ouais, donc voilà. Surtout qu'à la fin, il n'avait pas fini de rembourser totalement, donc il a dû finir ses courses Deliveroo sans vélo. Et là, pour le coup. C'était moins drôle. C'était courant, une semaine de merde, quoi. Ouais. Et il t'a raconté un peu comment ça se passe et tout. Comment c'est. Bah, ça m'intéresse, ces trucs-là. Il m'a pas raconté dans le détail. Tu prends tes. C'est tout bête comme on peut se l'imaginer, quoi. Tu prends tes commandes, t'attends un peu 5 minutes que si jamais c'est pas prêt. Ensuite, tu pédales, tu vas livrer. Un petit pourboire si jamais, et puis voilà quoi, c'est tout. Donc lui, ça lui a fait un peu de fric et ça lui a fait les cuisses. Il était très content, mais c'était clair que c'était juste pour dépanner parce qu'il faisait ça en plus de son boulot. Il a un boulot à temps plein sans problème. C'est juste que voilà, il voulait, pour se faire rembourser son vélo, faire un peu de Deliveroo quoi. Donc, bon, Chris, on pose pas la question, il n'y a pas de livreur qui vient jusque chez toi. Non, et très sincèrement, je n'aurais pas forcément recours à ça parce que je suis sans être. Comment dire, le mec le plus éthique du monde, vous en jugerez par mes blagues toutes très discutables. je trouve, enfin ouais, après évidemment les mecs qui font ça, bah, ils travaillent, on va dire oui, mais au moins ils ont un travail. Mais enfin bon, après dans quelles conditions ils travaillent et comment ils sont rémunérés, voilà quoi. C'est un peu, c'est la bonne excuse de dire on donne du travail à des gens, mais bon voilà, on les respecte pas quoi. Mm. Après toi, t'es en train de faire ton année sans junk food aussi, donc. Alors c'est vrai que un peu malgré moi en fait, mais déjà de base j'avais tendance à réduire tout ça. À une époque je mangeais, j'ai jamais été un dingue du McDo, mais je mangeais McDo au moins, allez on va dire en moyenne 2-3 fois par mois, une fois par semaine peut-être jusqu'à là quoi. Depuis le début de l'année, je n'ai fait aucun McDo. Je n'ai même pas fait. J'ai fait un tacos en janvier. Je peux te le dire parce que j'ai quasiment pas fait de junk food et de fast food et compagnie. Donc j'ai compté et j'ai fait 2 pizzas. Parce qu'on a une spécialité en Normandie, je sais pas si ça existe chez vous, il y a des machines automatiques à pizza. C'est une invention normande, c'est pas une blague, ça a été inventé par chez moi. Tu m'étonnes que vous bouffiez de l'ananas sur vos pizzas, quoi, si vous voulez faire ouais, par et les du coup, il y en a partout. Putain. En quelques années, je te jure que là, franchement, sur les routes où je passe, en quelques années, il y en a presque une dizaine autour de chez moi, en fait, c'est assez dingue. Skynet! Non mais en vrai c'est très très bien, c'est un concept qui est pas con du tout. Tu choisis ta pizza sur la machine, elle te fait cuire ta pizza et tu récupères ta pizza. Et en ces temps de Covid, moi qui suis un petit peu flippé, t'es sûr d'être le seul à toucher la pizza après la cuisson, donc au moins t'es sûr que personne ne peut contaminer ta pizza. Ouais. C'est quand même marrant, tu dis c'est très très bien. Tu dis c'est très très bien, la machine elle te fait ta pizza et tout. Donc tu ne veux pas donner 2-3 balles par course à des mecs mal payés parce qu'ils sont mal payés. Par contre, qu'il y ait une sorte d'automate qui prenne le travail d'un gentil pizzaiolo, ça te pose pas de problème. Bah non, parce que la machine ne fait pas la pizza. Les pizzas sont faites d'abord. Il y a un mec qui vient remplir les machines à pizza et la pizza fait seulement cuire la pizza quand tu la commandes. La machine fait seulement cuire la pizza quand tu la commandes. Ah donc tu peux avoir des soirées de merde où par exemple tu veux aller à l'automate à pizza et il reste que des soirées, enfin que des tontomates par exemple. Alors là, moi j'ai eu une vraie soirée de merde parce que je rentrais du taf, je me dis tiens, tu vois, j'étais assez content, je dis tiens, j'ai passé à la machine et la machine était vide à cause de tous ces salopards de Parisiens sur la route des vacances qui sont venus ramener le Covid un petit peu partout en France, mais bon le président leur avait dit qu'il pouvait donc c'était bon. Ça c'est le petit message politique de cette émission. Si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Oui, non, ça m'a vexé. Franchement, je suis rentré chez moi, j'avais le seum, comme disent les jeunes de la ville. Mais en même temps, à bosser au casino et aux tables de blackjack et tout ça, tu finis tard. Hein, donc, en même temps, c'est ça. Bah, ouais. Surtout le temps de mettre 2-3 jetons dans ma poche, hein, c'est surtout en ça plus, qui prend du temps, parce que bon, il faut passer les sécurités et tout ça. Évidemment. Mais non, franchement, cette invention de la machine à pizza est assez ouf. Et autrement, oui, sinon, je n'ai fait zéro McDo, zéro Burger King, rien. C'est bien. Pas de malbouffe en 2020. Bravo. Et je continue sur ma lancée parce qu'en fait ça ne me manque pas. Maintenant je fais mes burgers tout seul, je fais ma bouffe tout seul. Ah, les burgers maison, il y a que ça de vrai. Alors, est-ce que tu mets de l'ananas dans tes burgers, Chris? Alors non. Non, mais peut-être qu'un jour. Tu sais, les rondelles d'ananas que t'as dans les boîtes, les trucs avec de la flotte, les trucs dégueulasses là. Au secours. Mais en vrai, comme j'aime bien ça, moi ça me dégoûte pas d'y penser. Franchement, foutre une rondelle d'ananas, je pense que c'est jouable. Et foutre un ananas dans ta rondelle. Voilà. Je l'attendais. Alors ça, c'est beaucoup moins jouable. Ah, il a dégainé très vite. Ah putain, je l'ai fait en ricanant, j'ai un peu honte, mais. Là, on est encore sur, sur de la finesse, hein, je vois ce soir dans cette émission. Bonsoir. Du coup, ça cuisine maison, ça bricole des petites recettes, quoi. C'est quoi ta spécialité? On va tout savoir sur Chris. C'est vrai que tu me poses beaucoup de questions ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été sage. Non, non, profite que tu parles. Non, parce que d'habitude, tu parles pas beaucoup. Donc, bah, c'est vrai, mais d'habitude, j'écoute, voilà. Je bois vos paroles d'habitude. Mais là, bon, comme on savait pas de quoi on allait parler, visiblement. En tant que chef cuistot dans un resto 3 étoiles, bon, je pense que tu connais ton métier, quoi. Ouais, tu vas nous mettre à la montre. C'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai pas vraiment de spécialité en cuisine, mais depuis maintenant, allez, 3-4 ans, parce que bon, comme tout le monde au début, t'es étudiant ou tu commences à bosser, voilà, quoi, tu bouffes des boîtes de conserve et des trucs, et effectivement du McDo, des trucs comme ça. Avec le temps, ça m'est quand même vraiment passé, et depuis 3-4 ans, ouais, je fais vraiment attention à ce que je mange, parce que bah, sinon, tu deviens fat de ouf, quoi, et il y a un moment, t'arrives plus à te traîner le cul, et ça, je peux pas. Tu vois, je suis assez... je sens, c'est pas pour faire du mannequinat, mais d'un point de vue santé, tu vois, je fais un peu attention à ça en vrai quand même. Et ouais, depuis 3-4 ans, je fais vachement attention à ce que je bouffe. Et j'évite de bouffer des conneries et j'essaye de me faire manger au maximum sans me priver de quoi que ce soit, parce que c'est la pire solution qui soit. Se priver, c'est le pire régime qui puisse exister. Mais je pense que tu peux te modérer, gérer un peu les quantités, gérer un peu les conneries que tu manges et marcher un peu par compensation. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, ça marche, voilà. Je suis... ça marche peut-être pas sur tout le monde, mais sur moi, ça marche. Voilà. Donc tu vois que t'as bien fait de passer ce diplôme de nutritionniste. Alors, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai. Et en plus, ça te permet de pas répondre aux questions parce qu'on sait toujours pas c'est quoi ton plat secret préféré. Ah ouais, non, franchement, j'ai pas de spécial. Je veux dire, je fais à bouffer, tu vois, comme monsieur tout le monde, quoi. Je suis pas un grand cuisinier. Donc des pâtes, du beurre, du sel et en avant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par contre, tu vois, non, c'est vrai, je mets du beurre et du sel dans rien. Ça, par contre, c'est vrai. Ouais. Mais c'est quoi la petite recette où tu l'as fait 2-3 fois à un moment et à chaque fois elle dit hey, tu peux me préférer le truc de la dernière fois là? Je parle de cuisine. Le truc de la dernière fois, je parle de cuisine. Ah d'accord. Non, je sais pas, franchement, je réfléchis, mais j'ai pas de spécialité en bouffe, quoi. Je suis désolé, mais je fais des trucs random, quoi, mais c'est tout. Hein. Et dans tes burgers, c'est quoi? C'est classique ou tu fais une petite frivolité dont Non, non, je fais des trucs. Je suis très sauce barbecue. Voilà, le mec te dit qu'il mange comme il faut, mais la sauce barbecue, c'est genre l'un des pires trucs du monde. C'est du sel, du sucre et du gras, tu vois. Ah ouais, si, c'est vrai. Un truc que je kiffe faire depuis quelques temps, ça fait genre un an ou deux, je me suis découvert cette vocation, c'est des tartes. Alors là, parce que je sais pas faire grand chose en cuisine, tu vois. Alors là, mon gars, depuis que j'ai découvert comment faire des tartes, mais alors je fais des tartes à tout ce que je trouve. Ah putain, mais il est vieux ce type en fait. Sucré ou salé ou les deux? Ah, de tout. Alors, tarte au thon, tarte au mûr, tarte aux pommes, tarte au poire chocolat, j'ai tout fait. Tarte aux poireaux, tarte aux épinards aussi, j'ai tout fait. Incroyable. Est-ce que t'as une technique simple pour dénoyauter des prunes ou des abricots du coup? Non. Ah bon, non, mais je pose la question. Tu les coupes, t'enlèves le noyau, j'ai pas de solution miracle. Je suis désolé de te le dire comme ça. Quand j'ai compris que ma grand-mère dénoyautait les prunes avec les dents, ça a changé complètement le goût des tartes qu'elle nous faisait. Donc là, c'est une blague ou c'est... Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah mon dieu, mais non. Ah, c'était donc ça le petit... Oui, mais tu sais, on dit toujours, c'est la recette de ma grand-mère, je retrouve pas le goût. Bah tu vois, c'est la salive de ta grand-mère que tu retrouves pas dans la tarte des autres. L'ingrédient secret, c'est le tartre de bébé. Ah putain. C'est la pâte, c'est la polydent. C'est le polydent de son dentier qui s'en va. Je suis pas bien là. Je crois que je vais rendre. Pas que l'antenne, je vais rendre juste. Pourquoi tu manges comment toi Val? Avec les mains, les dents, la langue, enfin tout ce qui permet d'amener la nourriture à ma bouche, quoi, et de la mâcher, de l'avaler. Et quel type de nourriture a ton ma préférence? Tu vois là, je te voyais en galère. Vas-y. Non, quel type? Mais je sais pas. C'est des trucs tout bêtes, parce que comme Chris, mais je pense pire. Je suis pire que n'importe qui ici. Je ne sais vraiment pas cuisiner. En fait, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'investissement, parce que j'estime ne pas avoir de temps à consacrer à ça. Mais des petits croque-monsieur maison, petites croque-madame même, j'avoue que je me démerde pas trop mal. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire, hein, on est bien d'accord. Mais j'aime bien faire ça, ouais. Puis bien habiller mon assiette avec un peu de salade et de vinaigrette et tout. Et voilà, ça je kiffe pas mal, j'avoue. Et ça me fait penser que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ah si, bah du coup, de la pizza maison. J'en fais beaucoup, beaucoup. Mais on en a déjà parlé, je crois, ici. Puisque oui, parce que la pâte, tout ça. Voilà. Ouais. On est allergique à la pâte maison. Voilà. Allergie psychologique. Absolument, absolument. Mmh. Donc, ouais, non, je n'ai pas de... Que tu vois, c'était saucisse. Non, pas du tout. Pas du tout saucisse. C'était lardon lentille à midi, tu vois. Donc, c'était pas fifou, quoi. Il n'y a pas du tout de produits courts, enfin de saison, là, circuit court, tout ça, dans ce que vous racontez, quoi. C'est, Il y a pas de légumes déjà. Alors pas de bio non plus. C'est. J'aimerais bien, ouais, mais à Carrefour ils en vendent pas. Je suis un peu triste. Et j'ai un marché chez moi toutes les semaines, en plus, juste devant chez moi. J'ai aucune excuse, en fait, vraiment. Je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. Si t'as une excuse, c'est que par rapport à Matt, tu n'as pas 40 ans. C'est l'excuse que tu as, en fait. Tiens. Mais après, moi, je fais attention aussi. Hein. Je fais de plus en plus. Ça fait quelques années maintenant. Mais Alors, c'est le jeu. Serez-vous retrouver les darons dans l'équipe de ce podcast, ouais, et les deux qui n'ont pas d'enfants, hein. Alors, voilà. Ah, je suis passé de... Ah, ben, révélation, voilà. Information exclusive de ce podcast pour vous montrer à quel point j'ai vraiment freiné avec tout ce qui est junk food et tout ça. Je n'ai jamais mangé de tacos. Tacos comme on l'entend aujourd'hui dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire... Avec les boulons, avec les roues, les pneus, et puis... Un vrai taco, quoi. C'est ça, exactement. T'as jamais bouffé chez Otakos, mais non. T'as déjà bouffé le truc, truc en U là dans une galette dure ou Otakos, non, moi, c'est dégueulasse. Moi je me suis arrêté au kebab ou au grec quand j'étais en région parisienne. Au grec. Au chicken tikka, suprême fromage, tout ça, ça oui, ça ouais. Mais après quand est arrivé l'ère du tacos en France, j'étais déjà retiré de ce business et de ce game et donc j'ai jamais mangé de tacos. Le taco, c'est un des mets les plus délicieux et génial qui soit. Mais au tacos, la gamme, enfin la chaîne de resto au tacos, c'est une immondice sans nom. Et ça crache sur l'âme même du tacos qui est pourtant une nourriture divine des dieux. Enfin divine, oui, forcément, du coup, des dieux. Voilà. Le dernier repas de mon dernier soir de trentenaire. Je me suis dit, je vais manger un truc que j'ai jamais mangé. Et du coup, j'ai bouffé un otakos. Ah putain, ça laissait présager de ta. Pour voir. De la décennie future. Ah bah super. J'avais fait la fête avant. Hein. mais. Ouais, en fait, tu ne sais pas ce que tu manges. Il y a un assemblage de trucs, c'est tout mélangé. T'as des frites dans de la sauce, dans un tacos, qui sont devenues molles du coup. T'as une espèce de pâte viandeuse qui a dû être une saucisse à un moment ou un truc. Enfin, tu sais pas ce que c'est. C'est. Est-ce que c'est animal, végétal, c'est ça, qu'est-ce ouais. que. D'où après, ça vient, pour quels sont les. Pour les plus voilà. anciens. De cet établissement et les plus anciens ou plus anciennes qui nous écoutent, il faut quand même admettre un truc, c'est que le grand drame de la restauration rapide, kebab, etc., etc., ça a été à partir du moment où ils se sont mis à foutre les frites dans le sandwich. Parce que là on a franchi un cap. Ouais. Non, mais déjà le kebab, est-ce qu'on peut reparler du kebab avec le pain rond? Parce que là, le kebab avec leur pain en longueur, où en plus t'as plus rien dedans, et on s'en met moins. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'à l'époque, il y avait une sorte de pain rond qui était coupé, où il y avait beaucoup de trucs à l'intérieur. Bien sûr. Et là, bah oui. Là, tu kiffais. Bah là, oui. Tu kiffais. Voilà. C'est ça. Là, tu mangeais du gras, là. Là, t'es voilà. Et puis après, ils sont venus au pain galette, et puis à mettre les frites dedans, comme ça, on te met moins de viande. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Heureusement, il y a eu le supplément fromage pour rattraper tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et le bleu. Ah, si. Le bleu aussi. Le bleu. Kebab feta frites, c'est... Vous avez eu ça, les sandwichs bleus? Bleu, non. Ben, c'est un américain, mais au lieu de mettre un steak, tu mets un cordon bleu dedans, coupé en deux. Oh. Véridique. Et franchement, ça passe, hein. C'est bon, hein. Non, mais attends, c'est-à-dire bon. Que t'as de la Est-ce baguette. Est-ce qu'on peut avoir un supplément ananas avec? T'as de la frite, et par-dessus, t'as la panure du cordon, les deux viandes et le fromage à l'intérieur. C'est ça. Ok. Exactement. Tu manges, c'est quoi, quelle sauce? C'est quelle sauce blanche avec ça ou Non, mayonnaise ketchup. Harissa mayo. Non, pas harissa mayo. Non, j'ai jamais été trop harissa mayo et tout ça. Non, je suis mayo ketchup moi à la base. Samouraï. Pas de barbecue non plus, ça c'est des conneries. Barbecue et tout ça, c'est de la merde. Mais si, ananas barbecue. Voilà, c'est ça exactement. Même combat. Hein. Mais non, mayonnaise ketchup, simple. Bon, et c'est quoi la petite recette de Papa Yanda pour régaler les enfants? Alors en salé, j'ai pas. Enfin, c'est des trucs hyper basiques. Non, il y a deux. Après, je suis plus sur le sucré. Ou en dessert, il y a deux trucs que dont je suis assez fier et assez sûr de ma prestation. C'est les friands aux amandes et la tarte au citron avec une pâte sablée maison. Et là, on est pas mal. C'est pour ça que tu viens jamais, en fait, quand on fait des fêtes, parce que t'as peur qu'on t'en demande. Exactement. D'accord. Ouais, j'avoue que ouais, tu me donnes envie avec ta tarte au citron. Alors, tarte au citron, en fait, je m'y suis mis, si on veut, il n'y a pas très très très longtemps, il y a quelques mois, pendant le premier confinement, en fait, si je ne dis pas de conneries. C'est ma fille qui m'en avait demandé. Et je m'étais dit, putain, je suis dans la merde, j'en ai jamais fait de ma vie. Et en fait, j'ai regardé quelques vidéos de recettes et tout, et je me dis, oh, ça n'a pas l'air très très compliqué, bon, vas-y, on va se lancer. Et deux maisons en fait, brûlées plus tard. À peu près bien sorti. Non, franchement, je m'en suis à peu près bien sorti. C'était cool. Et les friands aux amandes, c'est une recette de famille, donc c'est un truc, c'est pas compliqué du tout. C'est avec la salive de ta grand-mère. C'est du beurre, du sucre et de la poudre d'amande. Et c'est très très bon aussi. Friands aux amandes, c'est violent. Tu vois, Yanda, c'est la preuve qu'on n'est pas compatible en termes de cuisine, parce que moi, j'aime pas la tarte au citron. Donc, tu vois, pizza ananas, tarte au citron, on sera jamais sur la même longueur d'onde, quoi. Non, mais parce que tu n'as pas encore goûté ma tarte au citron. Mais oui, bien sûr. Très bien, je prends ça pour une invitation. Très bien. Mais t'as pas goûté sa pizza ananas, Yanda. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, ça me saurait tarder, peut-être. Yanda, il peut te faire une tarte au citron, mais il remplace le citron par du chocolat, par exemple. Et il te fera une tarte au citron au chocolat. Par exemple. Ou par du wouzou. Par du wouzou, c'est bien, le wouzou, c'est un agrume qu'on connaît pas bien. Si, c'est bien. Des extraits de wouzou. Ah ouais, le wouzou, j'ai découvert ça une fois, les mecs avaient l'air allumés. En fait, t'as l'impression d'en voir partout, quoi, maintenant. Je connais pas. Du wouzou, on a mis du wouzou. Bon, c'est une sorte d'agrume asiat. C'est pas mauvais, mais c'est politique, en fait, parce que la façon dont on bouffe, en fait, est-ce qu'on fait du circuit court? Est-ce qu'on engraisse l'industrie agroalimentaire? Est-ce qu'on donne de l'argent à des livreurs payés par une boîte ou à des mecs mal payés par une application? C'est pas anodin, en fait, ce qu'on met dans nos assiettes. Mais j'avoue que moi, j'ai mes convictions, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à les appliquer et puis à changer mes habitudes. Alors, pour Deliveroo et tout ça, je suis un peu dans la même position que... Enfin, je suis carrément dans la même position que Chris. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, mais... Non, t'es assis comme moi actuellement, je le confirme. Exactement. On est assis tous les deux. Voilà. Mais Deliveroo, je boycotte tous ces trucs-là et tout. Par contre, effectivement, j'aimerais beaucoup manger un peu plus local, un peu plus bio, etc. Mais je ne fais pas forcément l'effort... Enfin, je ne fais même pas du tout l'effort d'aller dans d'autres magasins qui sont plus loin ou qui sont voire un peu plus chers ou enfin voilà, parce que aussi je ne suis pas Crésus et que enfin ça c'est sans doute des fausses excuses aujourd'hui, mais, oui, enfin, pas fausses excuses, je vais parler de mon expérience perso, pas pour tout, mais effectivement aujourd'hui en termes de bio, l'offre c'est quand même vachement étoffée. Je suis d'accord. Et y compris en termes de budget, de gamme de prix et de produits. Et je trouve que par rapport à il y a quelques années, attention, 4-5 ans, à peu près, quelque chose comme ça, c'est quand même devenu plus accessible plus accessible financièrement parlant de trouver des produits de qualité, supposément encore une fois un peu meilleur. Ah, il y a l'application Yuka aussi, ça serait intéressant, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, Yuka. Ouais. Bah on en parle dans une demi-heure, Yuka, tu peux potasser un peu ton dossier si tu veux. J'ai déjà mon avis tranché sur cette application. Là ce soir c'est un peu le grand freestyle, hein. Moi j'avais noté sujet, la bouffe c'est politique, que je voulais faire depuis longtemps. Évidemment il y a l'anecdote du péage, c'est pour aujourd'hui les amis, surtout ne zappez pas, le péage c'est pour aujourd'hui. On va aussi raconter comment est-ce que tu as complètement niqué notre productivité aujourd'hui, Yanda, car c'est de ta faute. C'est de ta faute si nous n'avons pas redressé l'économie de la France en cette journée du 9 novembre. C'est entièrement de ta faute. Et comme sujet du troisième plateau, j'avais noté comment peut-on faire un plateau de podcast dans lequel on n'a rien à dire. Et je m'attendais à ce que ce soit la grande digression. Donc, si tu veux, on a un peu de temps aujourd'hui. Hein. On est large. Moi, je voulais revenir sur les rayons bio, là, parce que Yanda nous parle des rayons bio. Moi, je suis complètement d'accord avec Gérald Darmanin, le communautaire. Ça suffit, donc les rayons bio stop, j'ai aussi vu des rayons nourriture pour rongeurs, communautarisme, nourriture pour poissons d'aquarium, tout ça, communautarisme, ça suffit. Pourquoi est-ce que les couches pour bébés sont pas dans le même rayon que les couches pour adultes? C'est quand même un scandale. Exactement, ça suffit, je dis stop monsieur. Je juste sur un truc sur Val, je suis un peu dans la même position que toi sur la facilité des trucs. J'ai pris conscience parce que j'ai bossé pendant quelques années avec des gens qui étaient vraiment à fond sur la bouffe. Et en fait, quand tu écoutes des producteurs, des industriels, des gens qui bosses vraiment dans la bouffe à longueur de journée, t'expliquer comment ça marche, tu réalises quand même que l'industrie agroalimentaire est organisée pour empoisonner la population depuis 60 ans et faire un maximum de bénéfices. Et donc, m'approchant avec ma grosse quarantaine d'années, c'est le dépistage du cancer colorectal avec tout ça qui arrive. Hein, pour moi, ça va être extrêmement sympathique. Je vais découvrir l'intimité du doigt du docteur. Ça va être formidable. Mais du coup, oui, prenant conscience de tout ça, moi, je suis quand même un enfant des années 80. Mon meilleur pote, c'est le micro-ondes et la boîte de ravioli. J'ai toujours mal mangé, en vrai. Et cuisiner, ça, c'est pas plus dérangeant que ça. Et alors là, Valentin se dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Où veut-il en venir? En fait, Valentin, nous vivons à peu près le même mode de vie qui est pour l'instant celui de « il n'y a personne qui habite chez nous avec nous ». En l'occurrence, en ce moment, je trouve ça plus compliqué. Je sais pas ce que tu penses. À votre connaissance, vous connaissez l'histoire de ce japonais qui avait une meuf qui vivait dans son placard? Oui, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Alors méfiez-vous quand même. Attends, je vais entendre parler de ça juste après. En fait, c'est plus compliqué de cuisiner quand tu cuisines pour toi tout seul. Tu vois, quand je cuisine pour moi, je m'en fous et je me micro-ondes un truc. Je reçois. Moi, je suis très pareil avec vous sur Deliveroo, c'est pas bien. Ouais, c'est pas gentil. Il faut pas exploiter les gens. Par contre, s'ils m'envoient un bon d'achat de 5 balles, j'achète. Donc, j'ai beaucoup moins de conviction parce que tu sais, c'est comme pour Amazon. Ouais, quand même, c'est pratique. Ça nique la société et le mode de vie. Typiquement, un autre truc que je boycotte, c'est Amazon. Allez, un achat par an max quand c'est un truc que je peux pas trouver ailleurs. Quoi. Bref, digression. Et puis c'est le Black Friday. Vas-y. Non, ça, je suis un peu con. Je ne profite pas du Black Friday. Bref. Mais du coup voilà, c'est juste ça, c'est compliqué de se mettre à de mettre de l'énergie et de cuisiner et tout et de faire ta popote et de laisser le truc quand c'est finalement que tu cuisines pour toi tout seul quoi en fait. C'est là où je voulais en venir. Et tu vois exactement, et typiquement, mais je sais que je pense mal, entre guillemets, mais c'est vraiment, moi mes journées sont organisées en fonction de ce que je fais, soit au boulot, à l'extérieur, donc quand je rentre chez moi, ouais, la flemme de faire à bouffer, tout machin. Beaucoup alors, de monde ont organisé leur journée par rapport au travail. Hein. Souvent, je vais pas au travail quand je travaille pas. Quand je suis chez moi, du coup, j'en profite pour faire tous les trucs que j'ai pas pu faire pendant que j'étais au travail, donc faire par exemple le montage de Hocus ou d'autres trucs ou voilà, et donc du coup je passe beaucoup de temps et puis après je fais ah la vache, j'ai trop la dalle, ah j'ai trop faim pour me faire à bouffer, et du coup faut que je trouve un truc qui est soit pas long à faire soit qui est déjà prêt et tout, et en fait du coup ça change jamais, c'est à dire que il faudrait que je m'arrête une demi-heure plus tôt en me disant allez maintenant faut que je me force à arrêter pour aller faire à bouffer, pour aller enfin voilà, alors il y a les techniques de découper tout à l'avance, prendre du temps en avance au début de ta semaine pour couper, pré-couper des trucs et tout ça et te resservir dans le frigo. Mais j'ai vraiment pas ça dans mon ADN, quoi. Donc moi je suis au jour le jour, à l'heure, heure par heure, quoi. Et donc du coup, bah non, à 9h, non, je vais pas couper des carottes, je vais faire des trucs jusqu'à ce que j'ai faim, quoi. En fait, moi je m'y suis mis parce que je me suis rendu compte que sinon je cuisine, et comme je cuisine quand j'ai faim, je grignote pendant que ça cuit, et du coup quand c'est prêt, j'ai plus faim. Du coup, ça sert à rien. Donc ce que je fais, c'est que je fais des gros volumes, enfin je fais des gros volumes, je fais mes courses et je cuisine en gros volume. C'est-à-dire que je fais 4-5 recettes machin, et je fais plein de barquettes et t'as tout au frigo. Et comme ça, j'ai cuisiné à peu près mes trucs et tu peux en bouffer toute la semaine et ressortir des trucs et les micro-ondes et quoi. Non, j'ai l'air, c'est le meilleur compromis entre la bouffe locale et la bouffe industrielle. J'industrialise ma propre bouffe en fait. C'est beau. Non mais tu vois, moi vu que j'ai toujours eu l'habitude de cuisiner pour deux, je continue de cuisiner pour deux. Donc du coup, quand je me rends compte, je suis triste, mais je me dis ah bah tiens, ça me fera un repas pour ce soir, donc c'est cool. Donc après, je suis content. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de cette japonaise qui vivait dans le placard de quelqu'un? Oui, et eh ben en fait, t'as pas entendu cette histoire-là. Franchement, on en a beaucoup entendu parler. C'était il y a genre 3-4 ans. Peut-être maximum. Enfin, c'était il y a pas très longtemps hein, que ça a éclaté cette histoire. En fait, le mec, donc c'était au Japon, hein, le gars a constaté qu'il y avait de la bouffe qui disparaissait régulièrement chez lui. Il vivait seul, les salariés japonais, hein, le type est tout le temps au boulot, tout ça, il est assez peu présent à son domicile. Et il constate qu'il y a de la bouffe qui disparaît. Et donc il décide de placer une caméra. Alors, est-ce qu'il pensait peut-être à des rongeurs? Enfin, tu vois, je pense qu'il pensait pas à quelqu'un, il pensait plutôt à un truc un peu, voilà, phénomène un peu inexplicable, en tout cas, au premier abord. Et qu'est-ce qu'il voit ? Eh ben, il constate qu'en fait, il y a une femme qui vit chez lui et qu'il n'est pas au courant. Et donc, ils ont mené l'enquête. Et apparemment, la meuf vivait dans un placard, donc cachée dans une espèce de petit renfoncement dans le placard où elle avait à peine la place pour rentrer. Et voilà. Et bon, en fait, il s'avère que la personne ne vivait pas comme ça chez lui H24. En fait, apparemment, c'était une dame sans abri qui avait comme ça investi des caches, peut-être sûrement dans plusieurs logements même, et donc qui a changé régulièrement de cache, mais voilà, c'était notamment caché chez son propre Airbnb. Voilà. Quoi. Putain, excellent. Un petit peu, oui, un petit peu. Quel génie. Donc voilà, vérifiez bien dans vos placards quand même. Et du coup, checkez vos placards. C'était le petit creepypasta du soir. On va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès un jour chez quelqu'un. Salut. T'imagines, t'es en train de chercher tes où ? Dans l'aspirateur de Valentin avec l'araignée. En train de manger des Weetabix. Les Weetabix. Dans tout ça, on n'a toujours pas parlé de Yuka, en fin de compte. On y vient. Qui est une appli que j'ai téléchargée, mais que je n'ai jamais utilisée. C'est en pas fait. Mal. Parce que j'ai trop peur de voir que je mange de la merde. Je suis au courant, mais entre être au courant et avoir la preuve sous les yeux, c'est pas pareil. Elle te juge. Oh, Valentin. C'est rouge, ça. C'est rouge, Valentin. C'est rouge, là. Regarde. Regarde. Respecte-toi, Valentin. Ça, c'est une marque distributeur, enfin, merde. Il y a un truc, Yuka, je l'avais essayé à un moment, et tu flashes, c'est nouveau, donc tu flashes tout ce qu'il y a dans ta maison, c'est rigolo. Et du coup, je flashais les bouteilles d'alcool, et elle dit non, mais je veux même pas répondre. Sur les bouteilles d'alcool, elle dit vous n'avez pas besoin de moi, Mathieu, pour le savoir. Mathieu, ça suffit. Arrêtez. Juste, je sais pas si on a dit exactement ce que c'était, donc c'est une appli où effectivement tu peux flasher les codes barres des produits et va te donner des informations sur comment les apports en énergie divers et variés, s'il y a trop de sucre, trop de gras, trop de sel, si tu dois sortir faire des pompes pour éliminer tout ça, grosse feignasse, enfin voilà, tout ce genre d'informations à savoir quand tu achètes un produit que tu vas consommer, ingéré dans ton estomac. Voilà, c'est ça, Yuka. Alors, bon, du coup, Val t'a dit que tu l'avais téléchargé mais pas utilisé. Matt, tu l'as utilisé un peu, mais dans un cadre rigolol. Ou est-ce que tu as été un peu plus loin? Je l'ai utilisé au début quand j'en ai entendu parler, quand ça commençait à sortir. Mm-hmm. Et quand c'est devenu un phénomène de société, je l'ai enlevé. Okay. Parce que quel anticonformiste. Mais c'est ça. Non, mais. Quand Nirvana est sorti, j'écoutais Thérapie. Quand c'était Rage Against the Machine, j'écoutais Offspring. Enfin voilà, je n'écoute pas les trucs populaires et je ne joue pas avec les applications populaires. Voilà, c'est ça. J'aime pas ça. Par exemple, je joue avec mon zizi. Je peux vous dire que je suis le seul, tu vois. C'est je fais des trucs qui ne sont pas populaires. Et qu'est-ce que t'avais trouvé ? Enfin, qu'est-ce que tu avais pensé de Yuka ? Voilà, je vais arriver à faire la phrase. J'avais trouvé que l'application était intéressante en termes d'informations. En revanche, je la trouvais limitée sur un point qui est l'effet cocktail. C'est-à-dire que c'est intéressant de savoir que tel produit est trop sucré, tel produit est trop salé. Mais si tu prends un produit qui est dans la norme, par exemple, et que tu le manges tout seul, tu restes dans la norme. Mais ce qui pose problème, c'est les apports que tu vas donner avec plusieurs aliments. Et donc, par exemple, si tu manges... un truc qui est à 50% de ton apport de sel et un autre truc qui est aussi à 50% de ton apport de sel et un troisième truc qui est à 10% de ton apport de sel, et bien finalement ces trois trucs qui ont l'air d'être inférieurs à l'apport qu'il ne faut pas dépasser, mais mis bout à bout, ça ton effet cocktail, tu dépasses ton seuil. Et du coup c'est que des trucs qui sont pris à l'unité. Et je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas d'analyse sur la longueur. Et je trouvais que ça manquait peut-être un peu. Ça finissait par me saouler parce qu'il y avait un côté un peu culpabilisant. Achète pas ça, tu vas être gros. Je suis déjà gros, je le sais. Achète pas ça, tu vas être gros. Et il n'y avait pas tellement de... Tu vois, il y avait de la répression, mais pas de solution, du coup. Et voilà. Il te propose pas de produits alternatifs, Yuka ? À l'époque, dans mon expérience, non. Mais après, peut-être qu'aujourd'hui, c'est j'en sais rien, chose je pose changé, vraiment la question. Mais bon, si c'est pour que je scanne une pizza et que ça me dise « Mange plutôt des haricots !» Bon, j'ai pas besoin de l'appli pour le savoir. Et ça me fait penser à ce que tu disais, Matt, ça me fait penser à l'effet des produits light qui a été un peu démontré. C'est que les gens se disent « Comme c'est light, je peux en manger plus. » Et donc, au final, ils finissent par avoir plus d'apport en gras, en sucre, etc. que s'ils mangeaient le produit normal. Et finalement, c'est l'excès du produit light qui est plutôt nocif dans ce cas-là. Moi, j'ai jamais essayé l'application. applications pour le coup. Par contre, j'ai tendance maintenant à regarder effectivement les petits Nutri-Score. C'est rarement une surprise. Enfin, je veux dire, oui, quand tu bouffes un paquet de gâteaux X ou Y, tu sais qu'il y a du sucre. C'est facile. Et machin. Si c'est bon, c'est dans le rouge. Ouais, voilà, non, c'est un peu ça. Mais il y a deux, trois trucs où ça peut éventuellement t'orienter, je pense. Sur des trucs tout prêts, on va dire. Moi, j'évite de bouffer des trucs tout prêts maintenant, mais. Sur certains trucs ouais, où tu peux quand même avoir 2-3 infos, mais après j'ai jamais essayé l'appli parce que j'ai pas peur de, mais en fait ça devient un peu un automatisme, tu vas te mettre à tout checker et effectivement tu, en fait la majeure partie des trucs tu le sais quoi, tu sais que bah le coca c'est pas bon, tu sais que voilà la mayonnaise c'est pas bon, mais en même temps bah il faut bien aussi à un moment ou à un autre se nourrir et tu ne peux pas juste bouffer des racines. Non mais c'est ça, tu peux pas juste manger des trucs hyper light tout le temps non plus. C'est ce que je disais, enfin moi je marche plus par compensation et par auto comment dire, auto-correction, je sais pas comment dire, mais tu vois, je auto-modération, quoi, voilà. Je pense que c'est un peu ça la clé, quoi. Tu sais que tu manges des conneries, mais tant que tu fais pas d'excès tous les jours. Mais c'est de la volonté, je pense. Et je peux comprendre que les gens, vu la tentation permanente que t'as partout, enfin, je veux dire, t'as des pubs pour de la bouffe partout, t'as de la bouffe partout dans les magasins, effectivement, on pousse à consommer. On vient te livrer du McDo jusqu'à devant ta porte, donc forcément, ça amplifie le phénomène. Donc je peux comprendre qu'à côté de ça, les gens aient besoin d'une espèce de, pas de petit ange sur l'épaule, tu vois, mais un truc qui les rappelle parfois un peu à l'ordre, en mode ah, attention, ça c'est vraiment pas bon, quoi. Peut-être que c'est dur de s'auto-réguler, quoi. On appelle ça une maman. Oui, ça dépend des cas. Moi, ma mère elle fait des. T'as vu la tarte aux Smarties? Ah oui, parce que c'est. On aurait pu donner la recette de la tarte aux Smarties tant qu'on parlait de bouffe, mais. Elle ouvre les tubes excédents ou pas? Non. Bon Yanda, est-ce qu'on va réussir? On aura plus teasé Yuka que l'anecdote du péage. Attends, moi j'ai pas parlé de Yuka, du coup. J'ai pas. Mais justement, c'est ça. Yanda, est-ce qu'on va réussir à parler de Yuka qu'on aura plus teasé que l'anecdote du péage? C'est ce que je dis. D'accord, excusez-moi. Moi, Yuka, j'ai du mal. alors, je m'en suis jamais servi à titre personnel. J'ai des gens dans mon entourage qui s'en sont servis ou qui s'en servent encore aujourd'hui. J'ai eu pas mal de discussions. Juste, dis-moi. Pour pas oublier, il faudrait que tu nous donnes après une application qui trouve grâce à tes yeux. Juste après avoir parlé de Yuka. Voilà. C'est bon alors. non, en fait, mais alors après, c'est pas contre l'application en tant que telle. Le concept de l'application est très bien. Le message, mais la promesse, quoi, de voilà, de d'aider et d'accompagner les gens dans une démarche en les informant clairement sur qu'est-ce qui est bien et pas bien et comment identifier éventuellement les trucs pas terribles. Sur le papier, c'est très bien et c'est très cool. Et je vais encore passer pour un connard à charge sur des boîtes comme ça. Mais non. Mais moi, j'ai un peu de mal sur deux trucs. Déjà, le premier truc, c'est le biais. Et t'en as parlé un petit peu, Matt, c'est que les informations nutritives qui sont affichées, c'est par rapport à une certaine quantité. Tu vois, typiquement, je vais prendre une connerie, un paquet de gâteaux, tu sais que c'est pas bon parce que bah, c'est trop sucré, machin, etc. Mais la valeur qui t'est affichée, c'est pour 100 grammes. En règle générale, tu t'enfiles pas 100 grammes de gâteau quand tu le bouffes. Donc la proportion n'est pas la même. Tu les manges paquet par paquet, toi aussi? Ouais, ça dépend lesquels. Les BN, c'est chaud. Les granolas, un paquet de BN. Les granolas, c'est chaud. Putain, les granolas, mon Dieu, quelle horreur. L'invention des enfers. Mais du coup, et donc voilà, il y a ce biais, en fait, de proportion et de quantité qui n'est pas appliqué parce que bah, Yuka récupère les informations d'une base de données et que lui, il peut pas trier en te disant attention, les gâteaux, je sais que tu vas en manger qu'un seul, donc en termes de quantité, il table de façon unitaire sur 100 grammes, je crois, enfin ce qui est en général fait. Et du coup, ça entraîne un biais parce que bah, forcément, un paquet de gâteaux va être plus nocif en termes d'apport nutritif que un légume. Voilà. Mais les quantités que tu vas en ingérer derrière sont pas les mêmes, donc c'est un peu pas dommage, mais voilà, ça entraîne un biais qui moi me fait tiquer. Et l'autre truc, qui est une question que je me pose depuis plusieurs années maintenant à chaque fois qu'il y a des applications, donc c'est vraiment pas propre à Yuka, c'est sur beaucoup d'applications en règle générale, et notamment des trucs comme ça, je me dis, c'est quoi leur business model? Comment ils vivent, ces gens-là? Absolument. Parce que bon, hein, la philanthropie, tout ça, mis à part quand Chris a monté son entreprise de business angel et qu'il a soutenu des startups pour le plaisir, y a très peu de gens qui font ça aujourd'hui. Donc, une application qui démarre avec une promesse comme ça intéressante, je me dis ok, c'est cool. Comment ils vivent ces gens-là? Comment ils se rémunèrent? Comment ils font évoluer leur application avec les comment ils envisagent le futur, les développements, etc. Parce que bah, tout ça, ça a un prix. Où rentre l'oseille, quoi? Et comment? Et d'ailleurs, je pensais pas que c'était si jeune. Elle date que de 2017, l'application. Donc ouais, elle est relativement récente. Elle a eu un gros boom. Elle a super bien. Elle a très bien pris et c'est cool pour eux. Et ça, enfin, c'est chouette. Mais du coup, moi, je me dis, comment ils rentrent de l'oseille, ces gens? Et donc, il y a cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit. Ils affichent des informations provenant de produits issus de grands groupes et de grandes entreprises. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits chèques qui seraient faits par-ci, par-là, de façon à favoriser un petit peu la présentation des produits? Et donc, voilà, Mais t'as pas d'infos là-dessus. C'est vraiment mon avis. Parce que là, ça fait la fake news à la Trump. Hein. Je sais pas, mais je pense qu'en fait, c'est parce que c'est comme ça. C'est mon. Alors, de mémoire, j'ai vu un documentaire justement sur l'appli où il l'expliquait, et je ne m'en souviens pas, je suis désolé. Mais il parlait du fonctionnement. Et non, mais effectivement, il y a quand même un aspect un peu partenariat avec les marques et tout. Donc oui, je pense qu'ils mettent peut-être en avant les marques les plus propres, si je puis dire. Mais bon, voilà. Des infos que moi j'en avais trouvées à l'époque où j'avais regardé un petit peu quand je m'y étais intéressé. J'avais pas vu d'infos, enfin ouvertement les mecs disaient ouais on fait des deals avec telle marque et donc qui dit deal dit chèque. Ils expliquaient que eux ils se rémunéraient avec la version payante de l'application. Et que en fait à hauteur de 60 à 70% de mémoire, je te dis ça de mémoire. Et que en gros ils avaient plusieurs la principale source de revenus de la boîte c'était la version payante et ils avaient des trucs aussi genre conseil nutrition ou des conneries comme ça. Alors du coup en 10 secondes, l'autre source de revenus à hauteur de 20% est la vente d'un calendrier de fruits et légumes de saison vendus sur le blog. Puis finalement, la dernière source de revenus à hauteur de 10% est la vente d'un programme de nutrition. Et depuis fin 2019, la société est à l'équilibre financier. Ça, c'est Wikipédia, donc je ne dis pas que ce sont des infos forcément... Mais après, tu vois, mais voilà. Wikipédia te dit ça. Et si c'est vraiment le cas et entièrement le cas dans leur chiffrage et dans leur présentation, très bien, et c'est canon. Mais il y a cette petite voix au fond de moi qui me dit « C'est un peu trop beau !» C'est un peu trop c'est beau. C'est le Ténia. Et... La petite voix au fond de toi, c'est un Ténia. donc voilà, je suis un peu sceptique quant à l'entière neutralité de cette application vis-à-vis des produits et des informations qu'elle présente et qu'elle diffuse. Je n'ai effectivement, encore une fois, et tu as raison, Matt, de préciser et d'insister sur ça. C'est mon avis et mon ressenti. Je n'ai pas d'infos fondées qui vont dans ce sens-là. J'ai essayé de contacter Lise Lucet par le biais de Chris, qui la connaît bien, mais elle m'a dit que... c'est une bonne copine, oui. Et donc voilà, donc j'ai pas d'infos. C'est vraiment mon ressenti et mon idée et mon jugement de connard propre. Mais voilà, je suis un peu sceptique. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. J'ai niqué l'ambiance. Merci, bonne soirée. Non, Yuka. Ah non, mais on aimerait avoir des trucs à t'opposer, des arguments à t'opposer, mais c'est vrai que bon, bah, là, bah, on n'en a pas. Ben non, il n'y en a pas. Et même eux, clairement, mis à part ouvrir entièrement les vannes et dire, ben voilà, ben venez, regardez dans nos comptes, ce qu'ils ne feront jamais, et je peux très bien le comprendre, bah, ils peuvent juste dire ce qu'ils disent, c'est-à-dire, non, nous, on est indépendants, on fait pas de pub, on prend pas de chèque, on fait pas de deal, terminé. D'accord, ok. Okay. Mais c'est là que tu vois qu'on est un vrai podcast d'influenceurs parce que du coup on a un débat sur une appli que l'un de nous n'a pas utilisé depuis 3 ans, l'autre connaît pas bien et puis le dernier est pas sûr de ses sources et puis il y a Chris qui dort. Du coup mais ça reste une application, ça reste une application qui est très qui est quand même fortement utilisée. Donc je pense que parmi nos auditeurs auditrices qui auront tenu à peu près 45 minutes de podcast, bah ils auront un avis là-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à dire qui a raison dans les commentaires sur les différents réseaux sociaux et les plateformes. Si vous êtes, vous si votez vous êtes par SMS aficionados. Et celui qui a tort sera sera éliminé de cette émission, évidemment. Exact. Parfait. Voilà. Qui était le robot, qui était l'araignée, hein, évidemment. N'oubliez pas. J'ai perdu ce que je voulais dire, du coup, ce qui devait être évidemment hyper intéressant, n'est-ce pas? C'est pas grave. On va meubler pendant ce temps, on va dire des choses intéressantes. On va mettre un canapé Voilà, un canapé ou une commode, ou bien tout autre meuble qui servirait évidemment à conclure cette vanne de manière hilarante. En fait, ça va pas revenir et du coup, je vais vous interrompre plus tard pour revenir là-dessus. Mais je putain, j'avais un truc là-dessus. En fait, parce que moi effectivement, là, je suis saucé et non pas au barbecue, mais voilà, de manière. Je ne sais pas quoi dire. Comment? Moi, je suis saucé par l'anecdote péage de Yanda. Mais est-ce que c'est le truc de fin d'émission, de fin de podcast, ou alors on peut en parler maintenant? Parce que là, moi, je n'en peux plus. Je suis tout c'est tendu Yanda de partout qui, là. C'est Yanda le chef, hein, c'est lui qui décide. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis quand c'est qu'on dit et quand c'est qu'on dit. T'imagines en plus, l'anecdote est à chier. On en parle depuis 10 numéros, en fait, c'est elle n'est pas bien. Ce serait nul. Alors, monsieur Hyundai. Comme me l'a suggéré Google quand j'ai tapé votre blaze. Allez, on y va. Allez, c'est le moment. C'est le moment que vous avez tous attendu. Le moment M. Par contre, c'était un moment. Le DJ. Sinon, on le fait sur OnlyFans. Si tu veux l'anecdote, tu bacs ton truc, quoi. Tu payes. Faut que tu payes. C'est une anecdote qui remonte donc il y a quelques années quand je travaillais dans le meuble, encore et toujours, puisque de toute façon il m'est arrivé mille et une aventures dans ce formidable métier. Je travaillais à ce moment-là du côté de Soissons, si vous situez nord-est. Ah, le. Le vase, tout ça, exactement, effectivement. Et donc j'étais, on était là-bas, donc on était une équipe d'une petite dizaine, ouais, un petit peu moins, une petite dizaine. Et en fait, pour faire des économies, le patron du magasin avait loué un véhicule unique qu'on prenait tous, qui était ce qu'on appelait entre nous communément la Starac. Donc les petites fourgonnettes, vous savez qu'ils utilisaient du coup lors de la Starac, où tu pouvais monter une petite dizaine dedans. Parce que je crois qu'on était 9 en tout, c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Donc voilà, donc on circulait tous là-dedans, toute la semaine, et y compris pour rentrer jusqu'à nos demeures en région bordelaise. Donc Soissons-Bordeaux, ça représente quand même une petite trotte. Et le samedi soir, donc fin de semaine, on ferme la boutique, on se casse. Et donc avant de partir, on distribue les rôles de conduite, puisque bien évidemment, par sécurité et précaution, on était 9, on se partage la conduite en 3. Il avait été désigné 3 conducteurs à l'aller le mardi matin et 3 conducteurs au retour le samedi soir. J'ai fait partie d'un des 3 conducteurs le samedi soir au retour. Donc il y avait le premier qui faisait Soissons-Paris. Le deuxième, moi, qui faisais la sortie de Paris jusqu'à Tours, et le troisième et dernier qui faisait Tours-Bordeaux. Très bien, nickel, tout le monde charge les valises, on se casse, on roule, on fait donc Soissons-Paris, tout va bien, ça se passe nickel. Et on arrive à la station-service au sortir de Paris, donc juste avant de prendre l'autoroute A10. Alors le péage c'est Saint-Arnoult, mais j'ai plus la station qui vient juste avant, bref. Ça, je vais pas les fact-checker. Merci. Hein, non. Mais pour les gens qui veulent faire un pèlerinage sur les traces de Yanda, c'est sympa quand même. Bah ça serait pas mal, quoi. C'est comme dans Breath of the Wild, il y a une carte avec le tracé de Yanda qui s'affiche et qu'on peut suivre. Mais après, des croix qui indiquent les moments où il est tombé dans un ravin ou un truc comme ça. Après, la 10, qui est donc l'autoroute, ce qu'on appelle l'autoroute du soleil, qui est l'autoroute qui relie notamment Bordeaux à Paris, à force de la prendre 2 fois par semaine pendant de nombreuses semaines, je me référais au temps de trajet restant par rapport à l'aire de repos qu'on passait. C'est-à-dire que je connaissais un peu moins maintenant les différentes aires de repos qu'il y a tout le long de l'autoroute, et je savais à peu près à combien de temps j'étais de chez moi et s'il restait encore beaucoup de trajet. Bref, là n'est pas l'histoire. Donc nous arrivons à la dernière station-service avant le péage de Saint-Arnoult en Yvelines au sortir de Paris. Tu l'as raconté mieux la dernière fois. Hein. C'est vrai, je suis désolé. Et donc là, on s'arrête, donc changement de conducteur, et on s'arrête pour notamment aussi en profiter pour faire le plein, bouffer un peu, s'acheter à bouffer, etc. Voilà, pause, pit stop, on descend, on fait le plein, et on repart. Donc avant de repartir, je prends le volant, et nous voilà repartis. On roule, et donc le péage était à une dizaine de kilomètres, on arrive aux dizaines de kilomètres, le péage, et là, les gendarmes. Et là, on fait « Ah !» Alors, bien évidemment, une Starac avec une petite dizaine de jeunes au physique et au faciès, ma foi, multicommunautaire, on s'est dit, il y a assez peu de chances que, y a assez peu de chances que on passe au travers des mailles du filet et on risque de se faire contrôler. Et effectivement, plus on s'approchait du péage et plus on voyait que l'étau se resserrait. Ils avaient tendance à se rapprocher un petit peu de l'allée vers laquelle on se dirigeait. On se dit, bon, ben là, c'est mort, c'est sûr. Donc très bien, on s'arrête évidemment, on vient me toquer au carreau, bonsoir, et là il me fait, le mec me fait direct, il me fait, vous allez où là ? Bah écoutez, on rentre chez nous, on va à Bordeaux, on travaille, voilà, on est des commerciaux, ok d'accord, vous avez fait l'essence il n'y a pas longtemps ? Oui, effectivement, on a fait l'essence à la station juste avant, le mec il fait d'accord, vous pouvez me montrer le ticket ? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'était que comme c'était un déplacement professionnel, c'était mon patron qui prenait en charge l'intégralité des frais et notamment le péage et le plein d'essence. Patron qui était donc juste à côté de moi. Je commence à être très très attentif. Juste à côté de moi. alors, je vais l'appeler Thomas, pour ne pas citer son prénom, même si je doute qu'il écoute ce podcast, mais on ne sait jamais. C'est un vrai nom de patron et de train. N'est-ce pas ? Thomas le patron, Thomas le train, c'est ça. C'est un nom de patron. Donc, ce monsieur fort sympathique et a l'amicalité qui vraiment résonnait dans sa voix. Rayonnante. Il me dit, vous avez le ticket ? Donc là, je me retourne, je dis, Thomas, le monsieur aimerait avoir le reçu d'essence du plein qu'on vient de faire. Et là, Thomas me dit, ah oui, le... Oh ah, putain. J'ai oublié de payer. Et donc là, je le regarde et je lui fais, ah, t'es sérieux ? Et donc là, je me retourne vers le gendarme et là, je dis, bon, ben, il n'y a pas de ticket. Vous allez rire. Et là, ouais, c'est ça. Et là, le mec me regarde et il fait, vous foutez de ma gueule, allez, descendez, c'est bon, vous me prenez pour un con ou quoi, vous allez pas me la faire, vous descendez, on embarque tout le monde. Et là, le mec pète un câble et je me dis, oh, putain, c'est bon, ça y est. Il avait passé une mauvaise journée, là, c'était sur vous. Je sais pas s'il avait passé une mauvaise journée, oh là là, mais en tout cas, ils vont prendre. Voilà, c'était un gendarme de l'Empereur Verse. La salaison était complète pour moi, quoi. Donc, je descends, il commence à me demander mes papiers, machin et tout, et il me dit, ouais, ça vous amuse, hein, vous pensez que vous allez vous en tirer et tout. Je dis, mais monsieur, je vais être très honnête avec vous, je suis en déplacement professionnel, c'est pas moi qui paye l'essence, pour moi c'était évident qu'il allait payer. Donc, il dit, ouais, c'est ça, enfin, de toute façon, vous pensiez que vous allez vous en sortir comme ça, vous me prenez pour un con. Je dis, non, monsieur, enfin, vraiment, je vous le dis, c'est mon patron qui paye, donc, voilà. Et il me dit, bah, de toute façon, vous auriez pu vérifier. Je dis, ah, mais si vous partez sur ce terrain-là, j'aurais jamais raison. Enfin, je veux dire, c'est mon patron. Je vais pas vérifier ce que fait mon patron. C'est lui qui prend en charge les frais professionnels de déplacement. Voilà, pour moi, on fait de l'essence, on paye, quoi. Et donc, bref, il fait contrôle d'identité auprès de tout le monde. Ils appellent la station-service pour dire que, bah, ils nous ont cueillis et que, voilà. Et là, mon boss qui était à côté dit, mais vraiment, je vous assure, j'ai vraiment oublié de payer. C'est vraiment un oubli bête, mais ouais, vraiment honnête, quoi. J'avais aucune intention de pas payer. C'est vraiment, j'ai oublié, quoi. Et donc là, ils appellent la station service et ils tombent sur une dame. Je me souviens. Madame est loin. peut-être bien. Elle avait plus que de l'eau froide. Oh merde. Et donc là, le gars parle et du coup, il regarde et il raccroche et il fait, allez, c'est bon, on embarque tout le monde. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle fait, oui, la personne que je viens d'avoir à la station-service, elle a dit qu'elle était sortie pour vous appeler parce que vous étiez en train de partir et que tout le monde était sorti à la fenêtre et lui avait fait des grands doigts d'honneur et des gestes obscènes. Donc du coup, là, c'est bon, vous me prenez pour un con, on embarque tout le monde. Pardon ? Pardon, c'est-à-dire, excusez-moi. Je dis, alors écoutez, monsieur, là, je pense qu'on a un gros problème. Je dis, moi, je voudrais juste rentrer chez moi, en fait. Je viens de faire une semaine de travail à 800 km. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux pas de problème, quoi. Et là, le mec dit, non, vous me prenez pour un con. Donc, mon patron part au niveau du bureau qu'il y avait juste à côté du péage. Et ça s'est bien terminé. On a attendu, nous, du coup, sur le côté du péage pendant bien une grosse demi-heure pour qu'au final, il revienne, notre boss, en nous disant que bah, il avait réussi à négocier et à payer. Qu'ils avaient rappelé en fait la station service, puisque bien évidemment on n'avait jamais, qui que ce soit dans la Starac n'avait fait de gestes de ce type là et en fait ils avaient rappelé la station service, ils avaient eu le patron ou en tout cas quelqu'un d'autre qui avait dit que bah effectivement c'était possible, mais que il n'avait pas souvenir lui qu'il y ait eu des gestes obscènes ou des trucs comme ça. Et donc ça s'est plutôt bien fini, on a perdu une bonne heure au péage à attendre avec la pression de se dire ah ben, je vais peut-être pas dormir chez moi ce soir en fait, je vais peut-être dormir quelque part à Paris, je ne sais pas trop où, mais voilà, et mon boss avait payé l'essence en espèces, et ce à quoi le gendarme lui avait répondu, eh ben, je ne te ferai pas de reçu pour celle-là. Donc, pas sûr que l'intégralité de, du plein soit repartie jusqu'à la station service. Mais là encore, je suppute. Ce n'est que hypothétique de ma part. Vous auriez pu laisser un canapé en cadeau, quand même. C'est vrai. Mais on n'en avait pas dans la Starac hein, à ce moment-là. Et donc, en fait, tu n'auras jamais eu la réponse de est-ce qu'elle vous a confondu avec des gens qui ont vraiment fait des gestes obscènes, ou alors est-ce qu'elle était mytho de ouf et qu'elle voulait. Ou est-ce qu'après, c'est pas le mec. Qui a fabulé ça parce que je sais pas, il avait envie de faire chier parce qu'il était vraiment, énervé. Hein. Il était vraiment. Bon, dites-moi, ils vous ont fait des gestes obscènes. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ils vous ont fait des gestes obscènes. C'était un peu ça. Oui, d'accord. C'était un peu ça. Le mec était vraiment très très chaud. Je me souviens à partir du moment où le mec, je lui dis, mais écoutez, je suis en déplacement professionnel. En plus, je venais juste de prendre le volant, putain de merde. C'est sûr que 10 minutes avant, c'était pas moi qui conduisais. Mais je lui dis, je suis en déplacement professionnel, c'est mon patron qui prend les frais en charge. Enfin, pour moi, c'est évident qu'on fait de l'essence, on paye. Il dit, ouais, bah, vous auriez pu vérifier. Ouais, bon, bah, effectivement, si vous partez sur ce terrain-là, il y a assez peu de chances que je trouve grâce à vos yeux et que je finisse par avoir raison à un moment, quoi. Il y en a dans ce genre de cas, est-ce que le conducteur est pénalement responsable pour l'intégralité du véhicule ? Je ne sais pas, c'est une excellente question. Visiblement oui, puisqu'il avait été question que je parte avec mon boss, et parce que j'étais au volant, quoi. Donc effectivement, ce serait pas étonnant que le conducteur soit pénalement responsable et répréhensible, et qu'il soit à charge. C'est pas ce jour-là où t'as perdu ton boulot pour tentative de vol d'essence ? Non, c'est pas celui-là. Ça aurait été énorme comme motif de licenciement, ça aurait été ouf. Ça, c'est quand je suis passé à la station de Chris. Et finalement, on s'est arrangé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois, mais on s'en est rendu compte quelques années après. Ouais. J'étais chez SO, moi je vendais des crocodiles et puis des sucettes au comptoir. Puis Honda est arrivé avec sa Starac, puis tout de suite, voilà quoi, nos regards se sont croisés et puis depuis, on n'a jamais pu se quitter. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez des crocodiles sans cochon, sans gélatine de porc? Voilà. Et il m'a dit non, pas de ça chez moi. J'ai une pizza à l'ananas si tu veux. Voilà l'anecdote du péage. C'était une très bonne anecdote. Un bon moment Nutella. Ouais. On a bien fait d'attendre tout ce temps. Oh, je sens. Oh là là. Oh, c'était pas gentil. De la part de quelqu'un qui n'a pas préparé de quiz, je trouve cette réflexion totalement. Déplacé. J'ai fait d'avoir un petit ton méprisant, mais en fait, en vrai, j'ai passé un super moment. Merci Yanda. Ah bah, j'espère que tu as d'autres aventures comme ça sous le coude pour les prochains épisodes. Oui, je peux en, effectivement, il faudrait que en inventer, je refasse un petit peu le tour des. Non, j'ai des aventures de type des déchargés, des bennes à ordures le samedi après une heure de travail à 21h30 sous la pluie parce que notre patron trouvait qu'on avait fait une mauvaise semaine. Et donc, du coup, il retardait notre départ à la maison le plus possible. Et pour ce faire, il nous avait fait évacuer ce qu'on appelait les reprises, qui étaient donc les meubles qu'on récupérait chez les gens. Donc, les vieux canapés, les vieux matelas, qui étaient stockés, un peu à l'arrache. Et il avait une benne à ordures dans laquelle il nous faisait les mettre. Et là, comme il trouvait qu'on avait fait une mauvaise semaine, il nous avait fait faire la benne à ordures le samedi soir à 21h30, des matelas, alors qu'il pleuvait depuis 2 jours. Et donc, en costard le samedi soir, sous la pluie, à charrier des matelas qui avaient donc à peu près entre 10 et 20 ans de vie et d'existence chez les gens et qui avaient pris la pluie depuis 3 jours, à aller soulever ça et les tasser dans la benne au lieu de rentrer chez nous. Il est gentil, Thomas. Ouais, c'est l'école de la vie. C'était pas Thomas, là, c'en était un autre, mais il était énervé. Mais c'était, voilà, c'était le meuble. Il n'y avait pas que. C'était le flic de la, de la dernière fois qui avait été. Ah non, c'était un, et alors, c'est un pote. Alors, c'est un pote, ça fait quelques années maintenant que j'ai plus de. Trop de. Lequel de nouvelles. Le flic, Thomas, l'ancien boss. Non, le boss qui nous avait fait faire la benne à ordures. C'était devenu un pote et je m'entendais très bien avec lui, mais là, il était énervé, il était dégoûté qu'on ait fait une mauvaise semaine. Donc. Les vendeurs, la base de la pyramide dans ce type de système, ce sont ceux qui trinquent et pour le coup, on avait bien trinqué. Les coups de fouet, Ouais, c'est à peu près ça. C'est très sale. Mais c'est une bonne école de la vie. Alors aujourd'hui, je ne sais plus du tout ce qu'il en est, mais en tout cas, à l'époque, n'ayant pas d'engagement ou d'impératifs sociaux particuliers, donc pouvant me permettre de tracer la route comme ça, c'est une très bonne école de vie. Ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, sur la vente aussi et sur le métier de vente en tant que tel, mais voilà, tu te retrouves dans des bourbiers sans nom où tu es obligé un peu de t'adapter. Tu as des situations assez rocambolesques aussi avec les gens, puisque tu vois de tout. Des gens de toutes catégories socio-professionnelles, hein. Faut pas croire que c'est que les petits, et ça n'a rien de péjoratif ce que je vais dire, mais que les petits... Que les pauvres Que les petits que les petits prolos qui viennent et qui se font dérouiller des canapés à 10 plaques, pas du tout. Et c'est même au contraire encore plus jouissif et kiffant en tant que vendeur d'arriver à vendre un produit comme ça. À quelqu'un qui te prend un petit peu de haut, qui dit non mais moi vous savez, je suis professeur agrégé de lettres, on me la fait pas, je connais le système. Ouais, tu connais le système bien sûr, mais signe le bon de commande juste ici. Ça va faire plaisir. C'est très agréable. Ça c'est kiffant, ça c'est kiffant. Et donc t'es amené à en voir des gens comme ça aussi, puisqu'il n'y a pas que les petits prolos qui viennent chercher les cadeaux dans les magasins, il y a toute catégorie socio-professionnelle qui allait, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais qui allait dans ces magasins. Qui s'assoit dans des sofas, quoi. Exactement. Mais oui, je pourrais trouver d'autres anecdotes. Si je m'arrête, en fait, il y en a, il continue. Ça y est, il a pris le mood de l'animateur radio, il veut pas qu'il y ait le blanc, donc Matt, il repart pas, bon, je vais remettre une phrase, puis on va voir. Puis je remets une phrase derrière. Ouais, bois un peu, parce que je vais te faire parler. Merci. De toute façon, il va garder la parole, c'est ça, oui, puisque... Il va peut-être nous parler de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il va nous parler de Yuka, tu vois. Moi, ça m'a fait penser. Je me permets de prendre le contrôle de cette émission à court instant. Ça m'a fait. Est-ce que une des pires anecdotes que vous avez, genre sur la route des vacances ou tu sais sur un truc comme ça, ça m'a fait penser à ça avec Yanda et j'en ai une qui est assez propre. Moi, je réfléchis puisque ma vie est toujours aussi morose, donc non, j'ai pas ce truc là dans mon sac, mais je réfléchis. Eh ben écoute, je vais raconter la mienne pendant ce temps-là. Alors, on part à deux voitures. On part dans le sud à deux voitures. Et donc, il y avait mon frère, ma maman, mon beau-père, mes grands-parents. Et en fait, donc, on part à deux bagnoles. Et le midi, on sort de l'autoroute pour trouver un endroit où manger. Et donc, en fait, on communiquait. C'était il y a maintenant, attention, c'était il y a une quinzaine d'années hein, pour rentrer un peu ça. Donc, pas trop encore de Google Maps, tout ça. Enfin, c'était encore un peu à l'ancienne. C'était en France. Donc, c'était plus en France. C'était déjà en euros, mais c'était quand même pas le high tech du high tech niveau navigation. Et donc, ma maman part avec son guide Michelin, tu vois, genre en papier et tout, truc de ouf pour traverser la France, quoi, quand tu connais pas du tout. Carte papier. Et donc, on s'en va chercher un endroit pour manger un petit peu dans la campagne, dans le Périgord. D'ailleurs, on était dans le coin du Périgord. Et en fait, on s'arrête. Donc, moi, j'étais dans la voiture avec mon beau-père, on s'arrête et, on reçoit un SMS. Donc ma mère, elle part un peu plus loin en voiture parce que ma mère est très aventurière en voiture. Hein. Elle aime beaucoup. C'est une femme d'action. Hein. Et donc elle part un petit peu plus loin que nous. Et nous, on s'arrête et on se dit bah c'est bien. On est bien là pour manger. On va manger ici. Et on reçoit un SMS de ma mère qui dit on est dans le fossé. Et donc mon beau-père dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? On n'est pas du tout dans le fossé. On est très bien ici parce que je pensais qu'en fait elle disait mais on peut pas manger là. Genre on est dans le fossé, tu vois. Et en fait non, elle avait mis sa voiture dans le fossé. Voilà. Donc elle était donc une dizaine de mètres un peu plus loin avec son véhicule complètement, avec une roue entièrement dans le fossé, au milieu de nulle part, en Ardèche, sans aucun moyen de contacter qui que ce soit ou presque, hein, parce que voilà, enfin, tu connais personne, tu sais même pas où t'es. Avec donc mes grands-parents dans la voiture et à l'époque mon grand-père qui était déjà très très malade, donc il avait beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à se déplacer, donc bref, galère de compète. Heureusement, nous sommes tombés. En plus, vous avez même pas aidé à sortir la voiture, du coup. Ben non, c'est ça. Du coup, il a fait aucun effort, quoi. Je veux dire, tu aurais pu compter sur lui, mais pas du tout. Et heureusement, si les gens écoutent cette émission, on ne sait jamais, peut-être, qui sait. On est tombé sur des voisins. Enfin, il y avait genre deux maisons, tu vois, là, dans le coin. Et en fait, les gens étaient tellement habitués à ce que des mecs, apparemment, c'était un fossé très profond, et donc c'est arrivé très souvent que des gens viennent tomber avec leur véhicule dans ce fossé. Ils avaient genre de l'équipement, quoi. Ils avaient des planches exprès renforcées et tout. Bon, ça, c'est pas une blague. Le mec est arrivé, un papy, quoi, est arrivé de son garage avec des planches de malade, quoi. Il a dit, oh, nous, on est habitué, il y a souvent des gens qui se mettent au fossé ici, et il a sorti la voiture du fossé. Voilà, histoire assez rocambolesque, mais je dois t'avouer que quand t'es... genre moi, à l'époque, je devais avoir tout juste 18 ans, tu vois, à peine, ouais, même pas, je crois que j'avais pas le permis, donc j'avais 16-17 ans, je crois, à l'époque, et... Donc oui, c'est ça, ça fait une quinzaine d'années. Putain, je suis vraiment vieux, oh, merde. Et du coup, bah, je peux te dire que quand tu vois, t'es un jeune adulte, un jeune ado, et que tu te retrouves au milieu de nulle part, que la caisse est dans le fossé, et que tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire et tout, bah, franchement, sur le coup, je pense qu'on était tous bien dans la merde. Tu vois, là, on s'est dit, là, on est bien dans la merde. Et donc, ces gens-là nous ont vraiment sauvé, le mot, et peut-être, pourra peut-être paraître un peu exagéré, mais ils nous ont vraiment sorti d'un beau pétrin, parce que c'était vraiment la galère. La panade! Ouais, voilà. Bah là, on était en plein dedans, quoi. Et voilà. Mais ma mère, je raconterai quelques anecdotes routières de ma mère, qui a quand même eu quelques accidents assez extraordinaires. Vous avez déjà foncé dans un camion déboueur, vous? Bah, ma mère, oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On le saura pas, c'est pour la prochaine fois. C'est après l'épisode. Oui, pour la prochaine fois. Il n'y a pas vraiment grand chose à raconter, mais bon, voilà. Tu nous as dit l'intégralité du truc déjà, mais faudra l'ambiancer, quoi. Les anecdotes routières de Maman Chris. Hop, c'est mis dans le sommaire. Voilà, c'est officiel, tac, tac, tac. Très bien. Non, moi, j'ai pas d'aussi belles anecdotes de voiture que toi. Ma mère est une spécialiste de la panne, en fait. À l'usage, sa voiture, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, ça roule et tout ça. Sauf quand elle est dans une situation, il ne faudrait surtout pas qu'il arrive quelque chose. Il arrive à chaque fois quelque chose. Mais c'est pas une expression à chaque fois, c'est à chaque fois. C'est systématique. C'est-à-dire, elle va au mariage de machin, elle revient, elle est un peu ric-rac, elle reprend le boulot le lendemain et il y a un truc qui pète et voilà quoi. Et enfin, c'est systématiquement des anecdotes comme ça. Mais moi, en R16, à l'époque, une R16 qui avait eu un accident, donc la porte passager, non, la porte conducteur n'était pas de la même couleur que la voiture. C'est genre une R16 blanche avec une porte orange ou un truc comme ça. Enfin, c'était magnifique. On est tombé en panne un soir devant la tour de la télé, mon gars. Parce que on est en 87, hein, donc les portables, le WAP, tout ça, ça n'existe même pas dans les films de science-fiction, si tu veux. Et bah du coup ma mère, pour aller appeler des secours, il n'y a pas de téléphone, donc elle traverse la voie rapide, on est au niveau de Nantes, on est au niveau du rond-point des Châtaigniers pour ceux qui ont besoin de planter les drapeaux, et du coup il y a la tour de la télé, c'est la tour en fait, c'est pourri en fait la tour de la télé, c'est la tour où il y a les émetteurs en fait, c'est un truc tout con, mais nous on était comme des oufs. Maman était partie dans la télé, quoi. Et on était avec mon frère à l'arrière de la bagnole, on attendait qu'elle revienne dans le noir de l'hiver et tout. Et d'un seul coup, il y a une lumière qui arrive. Et il y a des gens qui tapent sur le carreau de la voiture. Putain ! La peur qu'on s'est pris, mon gars. Enfin, franchement, j'avais 6-7 ans, tu vois, et mon frère un an de moins. Et ça a été genre la panique. On est dans la voiture et ça tape d'un côté. Donc nous, on n'ouvre pas. Et on voit que la lumière, elle va de l'autre côté et qu'elle essaye d'ouvrir les portes toutes, une par une. Et que ça tape au carreau et tout. Putain ! On est vivant, donc ça finit bien. Hein. C'était les flics qui ont vu une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence au milieu de la deux fois deux voies, là. Et du coup, qui sont venus voir ce qui se passait et qui était à l'intérieur. Walou. Et du coup, mon arrière-grand-père est venu avec sa voiture et nous a ramenés en toute sécurité. Voilà, donc l'histoire se finit bien. En toute sécurité, c'est la conduite des années 80. Hein, donc c'est la ceinture de sécurité, c'est si vous voulez. Les 2 grammes, bah ouais, bien sûr, c'est ce qu'on se met avant d'aller au bistrot, il n'y a pas de problème. Donc non, c'était en termes de règles de sécurité, c'était pas fifou. Mais voilà. Après, moi, j'ai fait plein de trucs en voiture, puisque je faisais des allers-retours hebdomadaires. Je faisais au moins un... Ouais, je faisais mes petits 1500 kills dans 2 semaines, quoi, facilement. Et du coup, bon, bah, tu prends tes habitudes, hein, sur l'autoroute, tu la connais par cœur. En plus, l'autoroute, donc, t'apprends le trajet un peu par cœur. Après, bon, bah, tu bouffes un peu dans ta voiture. Après, tu fais autre chose, tu fais tes SMS. Donc, moi, je sais hyper bien conduire en tenant le volant avec le genou, par exemple, parce que j'ai besoin de mes mains. Donc, je sais tourner et tout ça. Pas de régulateur, hein, je le fais à l'ancienne. Donc, ça, ça marche. Et je vous ai déjà raconté que je l'ai fait avec des taux d'alcoolémie non respectables. Ne faites pas ça chez vous, ce n'est pas très bien, évidemment. Mais moi, je suis un spécialiste de la sexualité en voiture. Mais la sexualité en voiture, je ne suis pas garé. Je suis un spécialiste de la sexualité en roulant. En marche. Et en marche, voilà, c'est très bien. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et c'est très très sympa. Mais évidemment. Et vivement les tutos. J'attends que Valentin me dise sur quelle plateforme on peut héberger ce genre de choses, parce que je pense pas que sur YouTube ça puisse passer. Faut plus demander aux frères de Chris pour ça. C'est une sorte d'infraction routière, donc ouais, ça, je ne sais pas. Je sais pas où on peut mettre. Au pire, Yanda nous fera un site. Les tutos sexe et voiture. Voilà. Puis c'est de la Clio, hein, donc c'est pas de la voiture confortable. Il faut se le dire. Surtout quand t'es un grand bonhomme comme moi de près d'1m90. Donc voilà, non, très peu de galères de véhicules sinon. Mais c'est que toi qui conduis à chaque fois ? C'est souvent moi qui conduis, ouais. D'accord. Voilà. Bon, c'est très bien. J'en ai une autre qui me vient, du coup je les raconte maintenant, tant pis, pour enlever ça du dossier. Mais vous êtes déjà rentré dans votre voiture par le coffre ? Parce que ma mère, oui. Histoire tu vraie. Tu sais, on dirait une série d'Alain Chabat. Vous avez déjà vu ? Non, mais je dis que ma mère, oui. Ouais. Mais en vrai, on va. J'étais petit, je sais pas, j'avais peut-être 7-8 ans. On va au zoo. Et il s'avère, donc, on revient alors, à la voiture. Alors, le zoo, Chris, comme c'est devenu interdit ces trucs-là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était à l'époque ? C'est un endroit où il y a des animaux. Voilà. C'est un bon résumé. Si je devais expliquer ça, tu sais, après l'apocalypse, tu vois, je dirais aux enfants, c'est un endroit où il y a des animaux. Voilà. Une prison pour animaux, on paye pour aller les voir, c'est super. Ouais, ouais, c'est un zoo plutôt respectueux, c'est pas une prison, quoi, tu vois, c'est pas des trucs avec des cages et tout, ouais. Et c'est le moins pire. Et donc, alors on revient à la voiture, et elle dit, tiens, on va manger. Et alors je ne sais pas trop comment tout ça s'emberlificote, mais il s'avère qu'elle finit par fermer le véhicule, à clé de partout, avec les clés sur le contact. Voilà, et donc tout est fermé. On est allé, alors, encore une fois, on replace, hein, à l'époque, pas de démarrage sans clé, pas de bip bip, etc. T'as juste une clé, tu tournes ta clé dans la serrure et t'ouvres ta voiture. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, pour ceux qui sont nés après 2010. Et donc, la seule accès non verrouillé du véhicule, le coffre. Et donc, ma mère est rentrée pour récupérer ses clés sur le contact par le coffre. Voilà. Quel type de voiture ? C'était une BX. Ah oui, c'est une BX très sympa, qu'elle a eu très longtemps, ouais. et qui a fini. Vous avez déjà essayé la BX quand le système hydraulique est en panne ? C'est assez extraordinaire aussi. Voilà. Tas de choses comme ça. J'ai beaucoup d'anecdotes. Va vraiment falloir qu'on invite ma mère dans cette émission pour la tarte aux Smarties et les anecdotes voitures. Parce que là, ça tient 3 heures. Alors, ça tient 3 heures. Pour les jeunes qui nous écoutent, comment est-ce que, à l'époque, tu pouvais fermer ta voiture en laissant les clés à l'intérieur ? Eh ben alors, il suffisait que toutes tes portes... Par exemple, imagine, tu avais verrouillé toutes tes portes une à une. Ouais. Tu avais un petit bitonio sur lequel tu appuyais, tu verrouillais tes portes, voilà. Et puis, bah, tu laissais tes clés sur le contact, tu ouvrais la porte conducteur, tu appuyais sur le petit bitonio, tu claquais ta porte, elle était fermée, les clés étaient restées dedans. Et voilà. Voilà. Alors, c'était mieux fait sur Renault parce qu'il fallait appuyer sur le petit bitonio et tenir la poignée ouverte quand tu fermais la porte. Donc, c'était une manip qui était compliquée à faire, donc si... mais tu arrivais quand même à le faire. Mais il y avait une sorte de volonté pour enfermer tes clés à l'intérieur et... Toto foot dans la merde. C'était les années 80, c'est quand même formidable pour ça, quoi. Ouais, je crois que ça lui est arrivé d'autres fois avec d'autres voitures. Je m'avance pas trop, mais cette histoire du coffre, c'est quand même la meilleure. Mais elle a beaucoup d'anecdotes voitures. Elle a essayé de monter dans une voiture qui n'était pas la sienne aussi, devant tout le monde, sur un parking. Elle a insisté très fortement pour ouvrir une voiture, mais c'était pas sa voiture. Ça me rappelle un film. Les voitures, elle a pas pissé sur la serrure. Non. Quelle horreur. Il paraît que ça marche. Bah, en tout cas, dans Les Bronzés font du ski, ça, ça ne fonctionne pas. Pour parler d'une référence cinématographique relativement récente. Tout à fait. Que toujours celles et ceux qui sont nés après 2010 auront, bien évidemment. Bah, ils l'ont vu en VHS, non ? Je veux dire, la VHS est disponible dans tous les vidéos futures. Il n'y a pas de raison que les gens qui nous écoutent n'aient pas pu voir ce film. Yanda ! C'est moi. Accusé Yanda ! Présentez-vous, Séan ! Bonsoir. Vous êtes jugé par la France, Yanda, aujourd'hui ? Encore ? Car vous avez ruiné la productivité de non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien quatre individus. Quatre. Il y a un R à quatre. Il n'y a pas quatre individus. Il y a quatre individus. Yanda, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce générateur de figurines avec lequel nous avons pignoufé toute l'après-midi? Et fais gaffe parce qu'apparemment, il y a un Fabrice Lucchini de Leader Price qui est dans cette conversation. Eh bien, il s'agit d'un site que j'ai découvert par un pur hasard, mais alors tout à fait fortuit, qui s'appelle Hero Forge. Hero Forge. Hero.fr.com. Qui est effectivement, et tu l'as très bien présenté, un générateur, en tout cas un modélisateur 3D. C'est un time crasher. Mais ça t'explose ton temps. Ça te le prend et ça te le ruine. Ouais. C'est un piège à loup parce que, au premier abord, tu te dis ah, c'est cool, je vais me faire un petit truc vite fait. Sauf que il s'avère que tu as des possibilités de personnalisation qui sont absolument gargantuesques. D'autant plus qu'ils ont fait, je crois, une mise à jour il n'y a pas très longtemps et qui a rajouté pas mal de contenu. Et donc, tu peux en fait créer ta propre mini-figurine, donc de type Warhammer et tout ça pour les jeux de plateau, entre autres, dont on a eu l'occasion de parler, il me semble, dans des épisodes précédents. Mais sauf que tu choisis vraiment tout. Donc il y a différentes races possibles. Après, tu peux customiser le visage, customiser les vêtements, customiser les armes, customiser les positions, customiser la base, et après les couleurs. Enfin, c'est assez fou. Et c'est très rigolo. Après, tu peux fignoler, tu peux réorienter les objets pour les remettre un peu plus. Tu peux changer les visages, tu peux mettre des expressions, tu peux changer la position des bras. Et du coup, c'est ça qui m'a bluffé, moi. C'est les expressions m'ont bluffé, où tu peux vraiment faire un petit sourire coquin ou avoir un petit truc un peu plus sévère. Cette fonctionnalité-là m'a assez bluffé, ouais, j'avoue. Et du coup, à partir du même générateur, tu fais un mec un peu badass façon Mad Max dans un univers post-apocalyptique. Tu fais un archer pirate d'une espèce elfe, tu fais un personnage à 8 bras qui tient à chaque fois des épées en feu à l'intérieur, et tu personnalises et custom relativement à l'infini. Enfin, en tout cas, sur une après-midi, ouais, tu vois pas le temps passer, quoi, vraiment. Et ça sert à quoi, du coup, une fois que tu as joué avec ça et que tu as fabriqué plein de petites figurines en 3D comme ça, qu'est-ce que t'en fais? À faire des screenshots, voilà. Et puis tu te fais un dossier avec les captures et puis tu dis, oh, c'est vachement chouette. Non, je crois que tu peux les commander. Tu peux les acheter. Il y a deux. Alors, en théorie, mais certains ici ont testé. Moi, j'ai pas cliqué. Moi, j'ai pas cliqué sur buy, mais j'ai cru voir qu'il y avait deux, pas finitions, mais matériaux possibles, à savoir en plastique ou en métal. Mais après, je sais pas du tout comment ça se passe. Mais a priori, c'est possible. Ouais, en fait, t'as plusieurs. Alors moi, du coup, je fais partie des pigeons qui vont jusqu'au bout de l'expérience. Non, mais je me suis dit que ça faisait un chouette cadeau, en fait. Mais par contre, complètement. Ça peut être assez marrant de faire la figurine de quelqu'un, vous voyez. Et sauf que du coup, en fait, t'as plus de choix que ça parce que tu peux faire ça. T'as un plastique de base, on va dire. T'as un plastique un peu plus qualitatif. Après, t'as du métal et après t'as, une espèce de bronze, enfin métallisé vraiment plus de luxe, quoi. Et là, ça commence à monter un petit peu. Mais le truc en plastique de base, c'est 20 balles, ce qui est en fait le prix, enfin, qui est pas un prix excessif pour une figurine de jeu. Si tu vas du côté de Warhammer et compagnie, t'as des figurines qui montent à 40-60 balles, quoi, pour même des petites figurines. Donc c'est pas non plus du vol pour un truc fait sur mesure où t'as vraiment une possibilité de personnalisation, effectivement infinie et vraiment à 100%. Le problème que j'ai, c'est que pour l'instant, je n'ai pas réussi à payer puisque ils n'acceptent ni ma carte bleue ni PayPal. Voilà. Donc j'ai contacté le service client qui n'a pas vraiment d'explication. Donc voilà. Alors ils disent que visiblement quand c'est des commandes qui viennent de l'étranger, il est possible qu'il y ait des petits conflits par rapport à la livraison, donc voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout. T'avais pas ton abonnement à NordVPN? Bah écoute, non. Mais c'est dommage parce que quand tu utilises le lien qui apparaît en bas de ton écran, tu peux avoir 65% de réduction et un mois gratuit. Tu peux te rétracter jusqu'à 30 jours et ça te permet d'avoir accès à plein de choses comme le catalogue américain de Disney Plus ou d'Amazon Prime ou ce genre de choses. C'est vraiment très sympa. Donc n'oubliez pas d'utiliser le lien affilié pour cet opérateur de VPN, évidemment. Je sais pas, moi j'utilise Emule, ça fonctionne très bien. Casalite. Et non mais ouais, en tout cas, enfin c'est vrai que par contre, ouais, en termes de possibilités de customisation, c'est complètement ouf. Tu peux faire vraiment ce que tu veux ou presque. À partir du moment où tu peux faire un guerrier en armure qui porte des armes à feu et des babouches aux pieds et des baskets, c'est bon, ça passe. C'est formidable. Mais après, ouais, j'ai regardé les photos. Bon, les figurines, une fois finies, sont quand même beaucoup moins nettes et détaillées que le modèle, on va dire, que tu conçois. Hein. C'est quand même, ça connaît quand même, je pense, ses limites, parce qu'apparemment, c'est de l'impression 3D qui est faite par rapport au modèle que tu as conçu, mais c'est pas aussi précis qu'on pourrait le penser, en tout cas sur les modèles de base. Mais ouais, c'est un chouette truc, quoi. C'est vraiment gadget, mais... Et ça peut revenir assez cher si tu te prends un peu trop au jeu. J'ai fait une armée de moi. Ouais. Ouais, voilà. Ça peut aller un peu loin, quoi. Mais c'est assez chouette. Je pense qu'on va lancer un Ulule pour le jeu de plateau Staminerd, parce que visiblement, on avait quelques concepts pas trop mal. On a brainstormé pas mal, hein, ouais, du coup. Et ouais, on avait des concepts assez intéressants. Il va falloir qu'on lance ça, les gars. Et du coup, dans les trucs, dans les propositions d'achat, tu peux avoir. Alors, la figurine de base, en plastique de base, elle est à 19,99 $. Ah, donc moins de 20 $, alors. Ouais. En plastoc de base à peindre toi-même. Hein. Oui, mais très bien. Mais c'est moins de 20 $. 19,99, ouais, c'est moins de 20 $. Si tu l'avais en couleur, elle est à 45. Mais tu peux avoir, tu télécharges simplement le modèle d'impression 3D pour 8 $. Et là, tu l'imprimes chez Watt, tranquille. Et du coup, bah, t'en fais autant que tu veux. Ça, c'est cool. Et bah ouais, carrément. Et après, bah, toi, de faire ta petite peinture voilà, façon Warhammer. Et du coup, si t'as plein d'idées, bah ouais, ça peut valoir le coup de plutôt le faire en mode. Imprimé, ouais. Tranquillou. Ils ont déjà plein de trucs, hein, dans leur. Catalogue, on va dire, de modèles, etc. Il y a quand même une pelletée d'options, de personnalisation, en plus du fait que tu peux, toi, venir retoucher tous les trucs. Mais même si tu prends les modèles préfets tels quels, il y a déjà de quoi bien s'amuser. Hein, non, puis il y a des... En fait, la variété est avec tout. En fait, c'est ça qui est assez dingo, c'est que tu as des sols métal, des sols en bois, ce qui fait que tu peux vraiment avoir un personnage post-apo, un personnage SF ou un personnage Heroic Fantasy avec le même générateur. C'est un peu ces possibilités-là, quoi. Moi, j'ai fait un truc qui ressemblait à mon gamin, et j'ai fait plein de personnages de mon gamin dans plein d'univers, quoi, tu vois. Gamin Star Wars, gamin Heroic Fantasy, gamin Orc, gamin tout ça. Ça me coûtait cher. Gamin orc. Ouais, le gamin orc, on l'a au quotidien. Les vrais savent, ouais, évidemment. Manquerait plus qu'il y ait des instruments et qu'on puisse faire des personnages avec des guitares ou des trucs comme ça. Tiens, ce serait formidable. Des bardes, tu veux dire? Ouais, ou des petits Chris. Des troubadours. Je regarde, il y a des fruits. Est-ce qu'il y a un ananas? Des troubadours de la joie. Est-ce qu'on peut faire un bonhomme qui aurait un ananas et une guitare pour Chris? Ah, déjà, il y a des pizzas. Hein. j'ai vu qu'il y a des pizzas, puisque c'est... J'ai honteusement récupéré et découvert ce site par le biais de Benzaï, qui lui, pareil, vient de passer, je crois, 72 heures sur le truc à faire moult personnages. Et il en a fait un, notamment, qui tient une pizza dans la main gauche. Il y a deux types de pizza aux champignons ou pizza aux pepperoni. Du coup, je viens de transformer mon guerrier orc en livreur de pizza. Voilà, ah bah si c'est pizza pepperoni, du coup, tu peux changer la couleur du pepperoni et le mettre en couleur ananas. Ça peut peut-être passer. Non, je peux pas faire un truc pareil. Non. Comment ça ça marchera pas. Non, c'est pas possible. Vous mentez. Le site bug. Écoutez, j'ai quand même passé suffisamment d'heures sur ce site pour vous dire que vous mentez. C'est possible. Tu peux remplacer les épées par des chopes de bière, les gars. Enfin, c'est bon, c'est voilà, vendu. Hein, voilà, c'est bon, c'est pour nous. Quand j'ai fait le mien, je me suis mis une corne de viking avec de la boisson dedans. De la cervoise. Effectivement. Oui, très certainement. Probablement, en bon breton. Probablement, moi, je suis à 2 grammes, je fais plus gaffe à ce qu'il y a dedans. Je te paye en sesterces et puis c'est bon, ça passe. Et on est d'accord que ça fait partie de ces choses qu'on peut classer dans la catégorie de totalement inutile et donc rigoureusement indispensable. Indispensable, bien sûr. Tout ça fait. On s'est plus amusé avec ce truc à la con aujourd'hui qu'avec un jeu vidéo qui nous aurait coûté de l'argent. Ouais, avec Yuka, on s'amuse pas trop. C'est un jeu. Tu scannes tout ton magasin. Exactement. Je fais un plus grand magasin aujourd'hui. On va s'éclater, je fais un Leclerc que je connais pas. Ouh. Matt sait s'amuser. Bah avec Yuka, moi je m'éclate comme un enfant. Hein. Donne-moi deux pierres et un bâton, tu vas voir si je sais pas rigoler. Ah, j'ai mis une robe à un garçon. Oh non. Ah, j'ai fait un travelot. Ah, putain, il y a une lampe torche. Putain, il y a une lampe torche. Oh, dans les objets, il y a une lampe torche, les gars. Oh, putain. Je me désolidarise de ces propos. Ça m'aurait étonné, c'est avec ton courage naturel. Donc là, vous qui écoutez, vous qui écoutez cette émission, sachez que actuellement, ils sont tous sur le site en train de jouer, en train de faire des bonhommes. C'est exactement Dieu, ça. C'est honteux, c'est honteux. Là, mais tu fais, là, regarde, là, c'est une momie. Mais regarde, c'est très radiophonique. Là, c'est un pharaon. Voilà. Ah, oui, là, c'est un d'accord. personnage du 19e siècle. Et là, c'est un guerrier de la Première Guerre mondiale. Très et bien. Du coup, cette variété de costumes est tout à fait formidable. Envoyez-nous des figurines, envoyez-nous plein de trucs. On veut, j'ai cru que tu allais me dire envoyez-nous l'OPSP Aeroforge. Ah bah oui, bah évidemment, bah c'est Aeroforge, je parle aux auditeurs. Les auditeurs, on ne veut pas de votre argent. Code on veut votre temps. On veut de vos battes aussi. On veut vos battes de Brave. On reparlera de Brave dans le prochain épisode d'ailleurs. Puisque si vous n'avez pas compris des choses autour de ce navigateur formidable, nous avons invité un auditeur qui, comme vous, n'a pas tout compris sur Brave et à qui on va répondre à ses questions, voilà, à ses inquiétudes, à ses angoisses. Vous n'avez pas compris sur ce formidable navigateur. Oui, c'est un navigateur qui propose des angoisses. Oh, ça me génère des angoisses, ce navigateur. Messieurs, il nous reste une petite vingtaine de minutes à faire. Comment peut-on faire un morceau de podcast dans lequel on n'a rien à dire? Comment ça se passe, le syndrome de la page blanche, tout ça, c'est quelque chose auquel on a été confronté en tant que créateur de qualité comme vous, non? J'imagine qu'il y a des moments où on doit être moins inspiré que d'autres. Pour faire un podcast dans lequel on n'a rien à dire, c'est très simple. J'ai un super exemple, il suffit de recommencer celui-ci depuis le début et d'écouter 1h30 qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien à dire. Et vous verrez qu'on s'en sort pas si mal. Mais c'est parce que nous sommes... Des professionnels, bien sûr, évidemment. Et que nous ça y est, j'ai retrouvé comment recoloriser mon personnage d'un coup, ça qui est super. vous voyez à quel point c'est l'enfer, ce truc. Excusez-moi. C'est l'enfer. Pardon. non, mais oui, de quoi la page blanche d'une manière générale, du coup, dans des vidéos ou non, juste dans le podcast, parce qu'au final, avec vous, je fais pas trop de podcasts. Non, je sais pas, moi je suis assez régulièrement confronté à ce syndrome de la page blanche. Quand j'ai commencé ma carrière radiophonique, par exemple, je devais écrire des sketchs tout seul dans ma chambre pour une émission hebdomadaire. Il y avait 8 speaks, donc fallait être drôle, impertinent, créatif, surprenant, 8 fois par semaine sur 30 émissions, puisqu'on enlevait les vacances, on enlevait plein de semaines. Bah non, attends, combien? Enfin, bref, c'est pas très intéressant. Et, et du coup, je sais que le mois de février, je ne suis pas inspiré. Je sais que pareil, quand je faisais la sélection comics, j'étais beaucoup moins inspiré sur les chroniques de février. En plus, ça tombe bien, il y a un petit trou dans le volume de publication des éditeurs, ce qui fait que t'es tout seul avec ton manque d'inspiration et tout. Je sais pas, est-ce que vous ça vous arrive d'être confronté à ce syndrome de la page blanche, et quelles sont vos astuces que je puisse noter et exploiter, et donc utiliser vos astuces pour ne plus être moi-même confronté à tout ça et gagner plein d'argent? Alors, moi, j'ai cet avantage de ne pas être... Je quitte tout de suite ça pour éviter d'être distrait. Voilà, j'arrête de créer des personnages. moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir d'obligation et de deadline sur des chroniques ou des choses comme ça. Donc, en fait, ma solution, elle est très simple. Quand je n'arrive pas à écrire, je n'écris pas, je vais faire autre chose. Et du coup, quand l'inspiration est là, je suis capable de tout mettre de côté et de ne faire que ça, et que des projets peut-être même un peu plus urgents qui viendraient s'intercaler, je dis non, on verra après. Parce que c'est quelque chose qui, effectivement, vient par vague, en fait, et qu'il ne faut pas réprimer, parce que sinon, la pire des choses, c'est de réprimer un instant de création qui me viendrait et qu'ensuite, je n'arrive pas à retrouver, quoi. Donc du coup, je me laisse porter au gré de mon inspiration. Voilà, moi, les choses, la page blanche, tout ça. Et surtout, de pas se tracasser vis-à-vis de ça, parce que plus tu vas essayer d'aller contre ça, plus ça va être pire. Plus la page blanche va être de plus en plus blanche et va te résister et te dire que tu es nul. C'est comme quand on essaye de dormir. Tu te couches parce qu'il faut que tu t'endormes tôt, parce qu'il faut que tu te lèves tôt le lendemain, et c'est là où tu n'arrives pas à dormir, c'est ça? Exactement. Donc, il faut juste se laisser aller. Hein, Hakuna Matata, j'ai envie de dire. Laisse-toi aller. Mais ouais, non, okay. Par contre, effectivement, si j'avais des deadlines, je ne sais pas trop comment je gérerais la chose. Peut-être Chris a une solution. Quelle oui, relance. Non, mais c'est parce que je l'ai senti. Il a pris une inspiration avant que je lui coupe l'herbe sous le pied, donc je le relance comme ça. Oui et non, parce que perso, je mets pas de deadline. En fait, j'ai un rythme de taf, mais j'arrive à bosser avec de l'avance en général sur mes trucs, sachant que j'ai pas d'impératif non plus. C'est moi qui m'impose ce rythme-là. Comme c'est un truc qui se fait au fur et à mesure naturellement, je peux dire que je me l'impose. Et puis si je me décale d'une semaine ou de 15 jours, je m'en fous, tu vois. C'est parce que j'aime bien aussi. Je suis quelqu'un qui peut pas rester sans rien faire. Donc de toute façon, si je fais pas de la vidéo, je vais faire autre chose. Enfin, je fous toujours que je suis en train de produire des trucs. Sinon, je m'ennuie. Enfin, et je m'ennuie rarement parce que je suis toujours en train de produire des trucs. Donc c'est un peu un cercle vertueux pour le coup. Mais j'ai pas de solution magique. Il y a plein de vidéos par exemple qui me viennent en dormant ou sous la douche. Tu vois, dans des situations où c'est pas du tout le moment de penser à faire de la vidéo. Et mais autrement, ouais, j'ai pas trop de syndrome de la page blanche. J'ai toujours des thèmes de côté, des trucs dont j'ai envie de parler. Donc s'il y en a un sur lequel j'avance pas, ou je vois que voilà, j'arrive pas à développer le truc comme je voudrais, bah je le mets de côté, et puis je repars sur un autre truc. Exemple très concret, ma prochaine vidéo, c'est sur Gen 13, je peux le dire, parce que le temps que le podcast sorte, je pense que la vidéo sera sortie aussi. Ou peu importe, en tout cas. Ma prochaine vidéo, c'est sur Gen 13, et en fait, j'ai commencé à l'écrire pendant le premier confinement. J'avais dû écrire après la moitié de la vidéo, et puis je suis parti sur d'autres trucs. Voilà, j'avais pas forcément envie de continuer à écrire cette vidéo-là, donc je l'ai mise de côté, et là, je l'ai finie il y a genre une semaine, tu vois, pour la sortir finalement dimanche prochain. Donc je bosse sur toujours un peu plein de trucs à la fois. Il y a des trucs que je finis, il y a des trucs que je finis jamais. J'ai plein de vidéos où j'ai une ou deux pages de texte et je les ai jamais terminées. Peut-être que je les terminerai jamais, ou peut-être que je les recommencerai de zéro. Enfin voilà, je fais toujours un peu plein de trucs en même temps en fait. Donc on pourrait organiser des lectures, comme parfois il y a des auteurs qui viennent lire dans les médiathèques. On pourrait avoir Chris qui nous lit le début de vidéos de Comics Race qui ne sont jamais sorties. C'est pas très intéressant. En plus, ça commence tout pareil, hein. Salut à vous, pauvre mortel. Voilà, je peux te lire le début de toutes mes vidéos. C'est super intéressant. Ouais, tu le fais avec un ton un peu poète, tu vois, genre Jean de La Fontaine et tout. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer. Je savais pas qu'il existait des enregistrements de La Fontaine, mais ok, pas de problème. Elle va être bien cette vidéo. Enfin, elle est bien. On le sait, elle vient de sortir, évidemment. Ouais, d'accord. Projetons-nous dans le futur. En vrai, franchement, Gen 13, c'est un thème qu'on m'a beaucoup réclamé. Parce que j'ai fait une vidéo sur, j'avais fait The Darkness, j'avais fait Witchblade, j'avais fait des vidéos sur Spawn, j'avais fait Wildcats. Et j'ai demandé aux gens, quelle était pour eux la série des années 90 la plus marquante chez Image. Enfin, voilà, les séries indées comme ça qui les ont marquées. Et moi, franchement, je pensais pas spécialement à Gen 13, que je connaissais évidemment, mais j'avais pas spécialement pensé à faire une vidéo là-dessus. Et c'est un thème qui, enfin, c'est une série que les gens ont cité très, très, très souvent. Mais genre, enfin, il y avait peut-être 50% des réponses où les gens me disaient ma série des années 90 c'est Gen 13. Alors je me suis dit, bah si tout le monde a autant été marqué par Gen 13, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc du coup, j'ai relu un gros morceau de Gen 13, les deux premières séries. En gros, j'ai pas été relire après ce qui s'est fait chez une fois que Wildstorm est passé chez DC Comics, parce que j'ai survolé, mais j'ai pas relu avec autant d'attention. J'ai relu notamment toute la première partie de la série dessinée par G. Scott Campbell. Et dans la vidéo, on verra si ça a bien vieilli ou mal vieilli. Voilà. Que de suspense. Quel teasing. Ce teasing de fou. Quel teasing a posteriori, c'est magnifique. C'est fou quoi. Bah, si les gens l'ont pas encore vu et qu'elle est déjà sortie, bah, ils ont qu'à aller la voir. En plus, je traite un petit peu du cas des super-héros adolescents et c'est un truc qui est assez intéressant. Franchement, je pensais pas partir sur une piste aussi développé en parlant d'un comics des années 90 qui pour moi avait un peu mal vieilli. On est vraiment dans une prophétie autoréalisatrice. C'est formidable. Il y a un truc, tu pourrais parler dans les comics des années 90 qui ont une influence sur le monde d'aujourd'hui. Il y a une série qui est assez courte chez Wildstorm qui s'appelle Divine Right et qui est assez intéressante, qui est portée par un jeune héros, personnage, qui s'appelle Max Faraday et qui est un sale con en fait au début dans le comics. Et on verra s'il tourne mal ou pas en fait. Et ça pourrait être. C'est un titre qui est méconnu en plus, dessiné par Jim Lee. Ça pourrait être bien. J'avais déjà parlé aussi de Rising Stars que j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup aimé Rising Stars. Il y a plein de séries Image en fait. Il y a aussi. Bah après, il y a toutes les séries de Rob Liefeld que moi j'aime bien. Après voilà, enfin des fois il y a pas grand chose à raconter quoi, parce que très clairement, un peu comme pour Gen 13 d'ailleurs, il y a un effet Madeleine de Proust et on a tendance un peu à idéaliser ce qui nous rend nostalgique et ouais voilà quoi. Après est-ce que c'est vraiment est-ce que ça mérite vraiment qu'on y consacre 10-15 minutes de vidéo? Je ne sais pas. Mais il y a plein de trucs dont je pourrais parler si j'avais le temps, je ferais ça à longueur de journée. Malheureusement, c'est pas le cas, donc il faut faire des choix. Non, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, pour lutter contre ta propre page blanche, en fait, tu lances des pistes en permanence que tu commences en fait des textes de vidéo et tout que tu ouais. creuses pas forcément. Et vous êtes les premiers témoins de tout ça, parce qu'encore il y a quelques minutes, vous avez vu germer une idée que j'ai mis de côté, que je développerai peut-être ou pas d'ailleurs, mais. Mais du coup, voilà. Avoir des débuts de pistes et puis tu les laisses et puis tu les creuses quand t'as un coup de mou, c'est pas mal, hein, ouais, c'est pas mal. Je ne sais pas faire ça et du coup c'est intéressant, il faudrait peut-être que je le fasse. Moi je suis du genre à bloquer et je peux pas passer à autre chose. Je vais alors laisser décanter et tout, oui, mais j'ai jamais vraiment essayé non plus. Mais en tout cas, de prime abord, ça me semble très compliqué dans mon fonctionnement. Après, je vends pas ça comme une technique ou comme une solution, parce que moi, c'est une habitude que j'ai de bosser sur plein de trucs à la fois, tu vois. Mais après, je sais pas si c'est vrai. Enfin, est-ce que ça m'aide d'être plus productif, d'avoir 2-3 sujets de vidéo qui traînent, ou est-ce qu'en fait, c'est aussi, enfin, il y a aussi des tas de trucs qui n'aboutissent jamais, donc c'est pas forcément la preuve que ça me rend plus productif. Mais je sais que j'ai toujours un peu des trucs qui se croisent, et souvent un thème en appelle un autre. Alors des fois, je vais le mettre de côté, et je le développe près que dans 6 mois, c'est un peu le cas de Gen 13, tu vois, parce que finalement c'est un thème qu'on m'a soufflé, enfin que les gens ont plébiscité avant le confinement, ça devait être en début d'année quoi, peut-être février-mars, que j'ai commencé à écrire en mars-avril et qui finalement ne sort qu'aujourd'hui en novembre. Mais donc, après ça t'évite aussi la frustration. Je sais que moi, c'est des trucs, ça me rend fou, j'exagère un peu, mais c'est compliqué quoi, parce que déjà je suis assez exigeant avec moi-même et avec ma façon d'écrire et d'envisager les trucs, donc je vais avoir tendance à reprendre parce alors que ça moi pas du tout, moi je fais de la merde, je de toute façon je sais pas faire, de toute façon les gens ils vont cliquer quand même, c'est pas grave, 59 et on y va et c'est parti quoi, et hop c'est parti, roulez jeunesse. Mais du coup quand je vais bloquer sur un truc parce que j'arrive pas à me satisfaire sur une tournure de phrase ou quelque chose, ou même sur un élément que j'aimerais placer, j'arrive pas, le fait d'avoir un autre sujet ou autre chose, ça te permet de plus facilement vraiment t'aérer l'esprit et de laisser décanter le truc et d'y revenir plus tard, ou alors effectivement comme tu le dis, de jamais y revenir. Mais après si t'y reviens jamais, bah c'est que voilà, c'était pas il y avait pas de clé quoi. Mais ça m'arrivait quand je faisais du son beaucoup plus que ce procédé effectivement de faire plusieurs projets à la fois. Mais là sur la vidéo et les à partir du moment où j'ai vraiment commencé à écrire entre guillemets les vidéos et les contenus vidéo, j'ai beaucoup de mal à diversifier les projets. Donc, ça serait à essayer. Je note. Merci. Ouais, parce que il y a une petite page blanche sur ta chaîne YouTube là récemment. Ouais. Après, c'est plein de facteurs, mais il y a aussi le fait effectivement, j'ai deux. En plus, j'en ai deux. J'ai deux sujets de vidéo que j'aimerais faire. La première, j'ai commencé déjà à bosser dessus. J'ai recommencé deux fois à l'écrire depuis zéro parce qu'au final, ça me plaisait pas. Et c'est un truc que je bloque, vraiment. Et en plus, je sais, pour en avoir parlé un petit peu avec vous, que le sujet, moi, m'intéresse, était intéressant à creuser et, a priori, vous l'avez trouvé assez cool. Donc, je me dis que ce serait intéressant à faire, mais je n'arrive pas à mettre en forme de façon satisfaisante pour moi. Mais tu fais un plan, tu fais quelque chose, est-ce que tu notes tes idées et ensuite tu les mets dans des cases? Enfin, moi je sais que ça, sans le faire comme ça précisément, mais je note les idées une à une sous forme d'idées très courtes, très, très simples. Et puis ensuite, je les mets dans des... Là, vous ne voyez pas, mais je fais des gestes avec mes mains. Je les remets... C'est une loutre, il mime une loutre. Des idées un peu connexes, je les mets ensemble. Et puis ensuite, je dégraisse un peu le truc comme ça, en mettant les idées qui se rapprochent ensemble, histoire de trouver des transitions après pour que ce soit un truc un peu fluide. Enfin, voilà. Mais toi, tu t'abordes le truc comment, toi? Alors, ça dépend. J'ai plein de trucs différents. Là, en l'occurrence, sur celle-là, j'ai les grandes étapes, on va dire, du plan et du déroulé. Et après, du coup, sur les infos que je suis allé chercher, etc., je vois quelles infos vont dans quelle partie. Et après, il reste à trouver un lien qui marche bien et qui fasse pas trop, justement, récitation. J'empile, quoi, tu vois. J'aimerais avoir un truc qui forme un tout cohérent et fluide. Et fluide, absolument. Exactement. Et c'est le mot que j'avais en tête. C'est le rythme qui fasse que les choses s'enchaînent bien et de façon le plus naturelle possible. Et ça, j'ai l'impression que c'est des trucs qui viennent en faisant des vidéos, en fait. Et donc, je m'enferme aussi un peu, forcément, en faisant moins, en perdant un petit peu cette rythmique, non seulement d'écriture, mais d'articulation de vidéo. Et ça fait hyper prétentieux, ce que je dis, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai, quoi. Je devrais faire une vidéo que je trouverais une vidéo de merde, et puis, allez, on y va. Mais non, je peux plus faire ça. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, bien sûr. Mais non, voilà, donc moi j'ai arrêté tout ce qui était deadline et tout ça parce que ça me bouffait la santé plus qu'autre chose, vu que je les respectais pas, donc. Ah oui, bah oui, tiens, d'ailleurs, oui, effectivement, deadline, si, j'ai eu pendant CinemaShop, et effectivement, ça m'a bouffé la santé de vouloir faire des reviews ciné tous les 3 mois. Je vous avoue que pour la troisième, j'étais pas loin du burn-out, parce qu'il fallait être productif et que ça ne me rapportait rien et que c'était hyper passionnant à faire, il n'y avait pas de souci, mais ça demandait beaucoup trop d'énergie pour ce que ça m'apportait en retour, et je me suis dit, bon, bah là, on va arrêter, et puis on ne fera des vidéos que quand on en aura envie. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Putain, j'avais ce syndrome de maladie quand je faisais la sélection comics. Du coup, il fallait lire, chroniquer une BD par jour, plus avoir son vrai boulot et tout. Je peux dire que je partais en septembre, j'avais un peu d'avance parce que j'avais commencé à écrire des trucs en août. C'était la course. Arrivé aux vacances de Noël, je passais en rediff pendant 15 jours. T'étais certain que le premier mardi des vacances, j'étais malade, mais comme jamais t'as été malade, quoi. Mon corps a dit, c'est bon, on peut dormir. Putain, lâchez tout. Lâchez tout, tu ne crois pas? Si bien dire. Voilà. C'est marrant parce que je passais les vacances, j'étais plus étanche du tout. Ça aurait été dommage de louper cette fin de phrase. J'ai un pote qui est exactement comme toi et souvent je me dis, mais comment tu fais? Enfin, tu as l'énergie de Saint Tom tous les jours, tu y vas à fond et tout machin. Et en fait, j'ai compris, il fait exactement comme toi, c'est-à-dire que tous les 3-4 mois, bam, pas un rhume, mais ouais, c'est son corps qui lâche, quoi. Pendant une semaine, il est pas bien, il reste chez lui, il fait plus rien, enfin voilà. Et puis après, il reprend. Et il reprend dans un rythme de fou et tout. Alors que, tandis que, pour le coup, moi, je ne suis que très très rarement malade, mais j'en branle pas une. Donc du coup, voilà, la fameuse bonne vie. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est comment quand on se ménage bien, je ne sais plus quoi, il y a une expression avec ça. Mais bref. Qui va loin ménage sa monture. Yes. Ménage sa monture, c'est ça, absolument. Mais en fait, ça fait aussi partie de notre rapport au travail, à l'ingérence du travail, à la productivité, à tous ces concepts qu'on nous a mis dans la tête, tu vois. J'ai écouté un podcast que j'avais trouvé extrêmement intéressant qui s'appelle Les Moments Vacants. C'est un épisode qui a déjà quelques années, mais qui parlait du coup de notre rapport au temps et de notre rapport au temps libre, et qui disait que, en fait, quand tu bosses, et après tu pars en vacances, et il faudrait que tu fasses rien du tout. Et en fait, c'est pas possible d'être à fond, et d'un seul coup de faire rien du tout. C'est comme si tu disais, je bois pas d'eau, et que pendant 15 jours de vacances, tu buvais 160 litres d'eau qui vont te permettre de tenir pendant 3 mois, ou que tu manges pas pendant 3 mois et que tu manges que pendant tes vacances. Nous ne sommes pas des dromadaires, absolument. En fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et du coup, ça racontait que il vaut mieux s'aménager des petits temps libres réguliers que de s'aménager des gros temps libres qui vont être rares et que voilà. Exactement. Et ça, je l'ai appris, moi, il y a 2-3 ans. Enfin, je me répète, mais c'est encore une fois après le CinemaShop, où jusqu'à ce moment-là, j'étais vachement dans ce principe de productivité aussi, et qu'il fallait tout le temps faire des trucs et tout le temps que son temps soit optimisé au maximum pour être productif d'une quelconque façon que ce soit, quoi. Soit pour gagner de l'argent, soit pour créer, soit pour je ne sais pas, si je lis un bouquin, faut forcément que je le critique derrière, ou que Je note un résumé, un petit truc dans des carnets. On parlait des carnets il y a quelques numéros, mais voilà, que je note absolument tout ce qui me passe par la tête et tout. Et au bout d'un moment, enfin, c'est plus tenable, quoi. Et puis ça n'a plus grand sens. Et depuis, effectivement, ça fait 2-3 ans où je me permets de ne rien, enfin, pas de rien foutre, mais justement d'avoir des temps où. Qui, dans une logique productiviste, ne servirait à rien, mais qui pourtant me sert juste à m'aérer la tête et à être bien dans mes baskets, en fait, et c'est pas plus mal. Donc, apprenez à ralentir et à ne rien faire, entre guillemets, c'est tout à fait salutaire, et c'est absolument pas honteux, contrairement à ce que la société nous laisse penser. Et même dans le travail à proprement parler, alors bien évidemment dans la mesure du faisable, mais travailler par cycle, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les focus sprint ou la technique du Pomodoro, c'est des choses qui vous parlent ? Absolument pas. Très bien. Pas du tout. C'est un mec dans Star Wars, ça, Pomodoro, non, ouais, c'est pas ça ? C'est ça. C'est un samouraï, Kurodoro. En fait, la technique du Pomodoro, c'est des cycles de travail intense, mais c'est cadré et c'est timé, c'est-à-dire que, alors, en règle générale, les cycles de Pomodoro, c'est 25 minutes, donc tu vas avoir 25 minutes où vraiment t'es concentré à balle et vraiment à fond dans ce que tu fais. Au bout de 25 minutes, t'as un premier temps de 5 minutes où tu te mets off, tu fais pause de 5 minutes, puis tu repars sur 25 minutes. Tu fais 3 cycles comme ça, et le 4e cycle, tu fais une pause de 15 minutes. Et en fait, quand j'ai découvert ça et qu'on m'en a parlé et tout, je me suis dit, c'est des conneries, parce qu'au final, tu perds du temps. Eh ben non. Je m'en suis servi, notamment quand j'ai été un peu en rush au niveau de la rédaction de mon mémoire de fin d'études, où il fallait que j'arrive à me trouver des moments où vraiment je bosse, et le premier cycle de 25 minutes, j'ai eu un petit peu de mal, et puis en fait après je suis rentré vraiment. Et du coup, tu te mets un beeper, comment tu fais? Ouais, c'est ça, tu te mets un timer. Et il y a alors à foison d'applications Pomodoro qui existent, si tu veux, qui te font déjà elles-mêmes les enchaînements, en fait, cycle travail, cycle pause, et puis tous les trois cycles, ta pause est plus longue, enfin tu peux paramétrer après les trucs que tu veux. Et toi, pendant ta pause, tu faisais quoi? Tu fermais les yeux, tu pensais à rien, ou alors tu te levais? C'est ça, je me levais, j'allais chercher un verre d'eau, et en fait, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, quand tu rentres vraiment dans le truc, donc pendant 25 minutes, t'es vraiment à fond sur ce que tu fais, au bout de 5 minutes, hop, tu lèves, tu vas te faire un truc, même juste tu te lèves, tu te fous la tête en arrière, tu fermes les yeux, en fait, ton cerveau continue de travailler, mais de façon allégée, on va dire, et ça m'est arrivé... D'arriver à la fin des 25 minutes en bloquant sur un truc ou en étant sur quelque chose qui était difficile, et hop, les 5 minutes de pause m'ont permis de prendre un peu de hauteur ou de recul et de revenir, et pendant que j'allais me chercher à boire, je me dis, ah mais oui, mais en fait c'est ça, et puis le cycle d'après, hop, tu repars, et en fait et c'est vrai, de ce que j'en ai constaté, en tout cas le Pomodoro avait marché à ce moment là et j'avais vraiment vraiment bien bien bossé. Et dans mon boulot, quand j'ai la possibilité de le faire, maintenant, je fais des... ce qu'ils appellent aux États-Unis la Silicon Valley, les focus sprints, où en fait, c'est des laps de temps, pareil, mais c'est 45 minutes. Et pendant 45 minutes, je coupe tout. Donc, c'est-à-dire pas de notification. Je préviens la personne qui prend les appels au boulot en lui disant, là, pendant 45 minutes, s'il y a des appels pour moi, je suis pas joignable, on prend le message et je rappellerai après. Pareil, email, etc. Tout est coupé et c'est vraiment 45 minutes dans la bulle et on y va. Et au bout de 45 minutes, hop, pause, tu prends l'air, machin, s'il y a des gens qui ont appelé, tu rappelles. Et c'est vrai que c'est de borner comme ça des cycles de travail prédéfinis, ça aide en fait. Plus que de te dire, allez, j'embraye ma journée de 7 heures où je vais faire mes trucs, mais je me laisse mes notifications à côté, je fais mes trucs, mes machins, etc. C'est difficile. Et encore plus dans ces périodes en ce moment de télétravail, pour celles et ceux parmi nous qui en font. Le télétravail, c'est aussi le piège vers... tous les à côté et toutes les pollutions numériques qui peuvent interférer avec ton travail, quoi. C'est quand même formidable qu'on ait besoin d'avoir des applis et un mot de Pomodoro, je sais pas quoi, là, pour réinventer la pause club, quoi. Ben, ouais, c'est pas tout à fait ça, parce que, enfin bon, après tout dépend, s'il y a des gens qui prennent des post clubs tous les quarts d'heure, mais je sais pas, je vois ce que tu veux dire Moi, j'ai des collègues qui prennent des pauses travail entre les pauses clubs. Moi, c'est ce que j'allais dire sur les cycles. Moi, c'est ce que je fais. Je bosse 5 minutes, je parle 25 minutes avec vous. Je bosse 5 minutes, je parle 25 minutes avec vous. Je suis inversé, en fait. Moi, en vrai, je suis incapable de faire ça, Yanda. Par contre, tu vois, je peux me lever le matin, être super chaud pour écrire un truc, et je vais gratter 4 ou 5 pages de texte, genre dans un temps hyper court, en peut-être 2 heures, 3 heures. Alors que si je m'impose, je me dis, j'écris tel jour de telle heure à telle heure, je peux très bien ne rien sortir, ou alors je vais prendre des notes, tu vois, je vais me faire un petit plan de développement d'une vidéo, mais je vais être incapable de le développer parce que c'est pas le moment. Et des fois, à 6 heures du matin, j'ai une sorte d'éclair comme ça qui me vient, et là, je vais gratter, j'ai des vidéos comme ça qui ont été écrites en quelques heures parce que j'étais hyper chaud pour écrire un truc. Et je sais pas d'où ça me vient. Et à l'inverse, comme je le disais, il y a des trucs que je vais mettre de côté, et ça va pas m'inspirer, je vais pas y repenser, ça va rester des mois de côté, jusqu'au jour où j'aurai peut-être l'éclair qui va faire que je vais me mettre à gratter 3-4 pages d'un coup, quoi. Je peux pas m'organiser des phases de travail comme ça à base de je fais une heure de taf, je prends une pause, ça me bloque au contraire, quoi. Moi, quand je suis lancé, je peux rester 2 heures sans boire, sans manger, sans rien faire, tu vois, juste à écrire. Après me mettre un petit timer comme ça, c'est sûr que ça fonctionne. J'ai jamais fait pour les vidéos, par contre. Je l'ai juste eu fait un peu au boulot et pour rédiger mon mémoire, mais je l'ai jamais fait sur de la création de contenu pour les vidéos et tout. Peut-être faudrait que j'essaye. Quand je suis en train de produire un truc, c'est pareil, je peux pas, quoi. Si, quand on produit les staminaires, je refais une passe de la totalité de l'épisode et je m'arrête pas, tu vois, à ce moment-là. Quand je dois produire des trucs, fabriquer du contenu, oui, je suis dans mon cycle de production et si je m'arrête, je passe à autre chose, en fait. Je fais pas une... Ouais, je sais pas. Je sais pas, t'es lancé, quoi. C'est vraiment une course de fond, tu vois, j'ai de l'inertie, quoi. Je mets du temps à démarrer, mais une fois que je suis lancé, je suis à fond, quoi. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en fait, quand t'es motivé ou quand tu sais exactement ce que t'as à faire ou que t'as de l'inspiration, moi je suis comme vous. En fait, j'y vais. Je peux faire. Je pense à Ocus par exemple. Je peux faire du montage pendant 2 heures d'affilée, mais vraiment non-stop, parce que c'est exactement comme ça que ma séquence il faut qu'elle soit. Donc du coup, je vais travailler en conséquence et tout machin. Par contre, je pense que la technique de Yanda, donc le fameux Pomodoro, du coup, peut fonctionner si t'es dans un entre-deux, en mode, je sais ce que j'ai à faire, par contre, je suis pas forcément hyper inspiré, j'ai pas forcément la niaque pour le faire, et donc c'est une discipline que tu t'imposerais à ce moment-là pour être sûr d'avancer et de le faire dans les meilleures conditions. Oui, sur un truc un peu relou, genre un tableur ou un truc comme ça, quoi. Je t'ai pas entendu. Sur un truc un peu relou, genre tu dois remplir dans un tableur ou des trucs comme ça, dis, c'est pas ouf, je me donne 25 minutes où je suis vraiment à fond et je me concentre et tout ça, et puis après je m'offre une pause, c'est le petit cadeau pour ce que... C'est ta récompense pour avoir bien travaillé, quoi. Exactement, je le vois comme ça. En tout cas, ça, pour ce type de travail-là, ça me parle, ce que dit Yanda, en tout cas. Pour tout un processus créatif comme écrire des vidéos ou faire du montage ou tout ça, je perçois moins le truc, puisqu'effectivement, moi, je suis comme vous, c'est-à-dire je peux être lancé si je suis hyper motivé et si je déborde d'idées, je peux être lancé pendant 3 heures et ne rien faire d'autre. Et c'est pas plus mal, mais bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte, bien sûr. Toi, Chris, quand t'as inventé cette méthode de gestion du temps, comment tu le voyais? Tu voulais plutôt l'appliquer à quel type de métier, tout ça? Moi, j'ai rien inventé du tout. Bah, le Pomodoro, c'est toi? Comment? Le Pomodoro, tout ça, c'est toi qui as inventé ce truc-là? Ah, c'était ça la vanne. Ah non, je croyais que tu me parlais de la façon dont je gérais mon temps quand je taffe. Et en fait, je dis mais non, parce que je gère pas vraiment. J'ai une avalanche de... Tout le monde invente des métiers à Chris depuis 3 épisodes, ça pose pas de problème. Par contre, j'invente un métier et c'est... Ah bah non, pas du tout. C'est un scandale. Non mais bon, après c'est parce que je veux pas tirer tout, tu vois, je veux pas tirer toute la couverture, quoi. C'est vrai que j'ai inventé 2-3 trucs. Bon, ma plus belle création, c'est quand même le vaccin contre la rage. C'est vrai que contre ça, le Covid, voilà, le vaccin truc. Contre le Covid, c'est ta plus belle création. Ouais, bah c'est à cause de moi si Zoom perd des actions en ce moment là. Je l'ai pas. Et ben en fait, t'es pas au courant, mais je l'ai dit tout à l'heure en plus. J'ai dit, excuse-moi, j'ai passé mon après-midi à faire des figurines, j'ai pas lu la conversation. Avec l'annonce d'un vaccin qui serait fonctionnel contre le Covid, les actions de Zoom à la bourse sont en train de baisser, puisque Zoom, c'est le logiciel, enfin l'appli de ce confinement. Tout le monde utilise Zoom, et comme on est en train de te dire qu'on va guérir du Covid et qu'il n'y aura plus de confinement, Zoom, ça sert plus à rien, donc l'action est en train de baisser. On devrait faire des tests de podcasts où on enregistrerait avec différentes applis. On fera le même podcast enregistré à travers différentes applis, on verrait ce qui marche le mieux. Non, moi je vais rien dire parce qu'on va encore dire que je critique les applications. C'est ce que j'allais dire, je t'attendais au tournant là, Yanda. Je me suis dit, parce que j'ai entendu des trucs comme quoi Zoom, c'était pendant le premier confinement, tout le monde était à fond sur Zoom. Et au bout d'une semaine ou deux, je commence à avoir des articles, oh, Zoom est pas protégé, voilà, ouais. Il y a des fuites d'infos, je sais pas quoi. Oui. Et comme quoi c'était une vraie catastrophe. Oui. Mais là encore, donc, pas eux plus que d'autres, mais. Zoom, c'est quand même assez passoire, quoi. Ouais. On est sur des failles de sécu assez, du coup, dévoilées et exploitées. Donc c'est pas ouf sur 20, ouais. Et MSN Messenger, par exemple. Parce que Pierre. Les failles de sécurité de Zoom, elles sont effectivement très profondes et très grandes. À bientôt. Pardon, je viens de remonter du coup, j'ai fermé la porte derrière moi, tout va bien. Une très profonde faille de sécurité alors. Oui. Ouais, ouais. En tout cas, on fera pas mieux que MSN. Non, mais c'est aval, mais c'est pas grave. Et on fera pas mieux que MSN et sa fonction Wiz. Eh oui, ouais. Rendez-nous la fonction Wiz. Oui. Bien sûr. Ah, mais tellement. Doudi doudi doudi. C'était le bon temps. Mais le problème des Wiz, c'est pas... que tu pouvais. T'étais limité. Non, t'as été limité parce que des connards comme moi, on en a envoyé à l'appel. Ben oui. Whiz, évidemment. Donc ça a été limité. Non, mais c'était vraiment le truc anti-productif. T'appuyais sur le bouton et le chat de la personne à qui t'es en train de parler qui te répondait pas, le chat repassait au premier plan, quoi. C'est-à-dire que si tu me réponds pas assez vite, tac, je te reprends toute ton attention, quoi. Tu pouvais rien faire. C'était un scandale, cette option. Et puis c'était bref. Un son horrible. Je propose qu'à partir de maintenant, le son du Whiz ouvre tous les épisodes de l'Estaminaire. Ah, au secours. Ah, c'est à la fois génial et horrible. Je suis partagé. Ouais, entre le génie et l'horreur. Votez. Vous nous dites si vous êtes plutôt oui, vous envoyez oui au 6-20-30. Et si vous êtes plutôt contre, vous envoyez non au 6-20-30. Voilà. Et n'oubliez pas d'envoyer Wiz, évidemment, au 6-20-30. On n'en tiendra pas compte. C'est surtaxé, mais c'est juste pour rigoler. Donc voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il serait pas temps de redevenir un peu productif ? De couper nos micros, couper ces conversations et retourner vie normale en attendant un prochain épisode. Allez. Bien sûr, je vais être productif dans mon lit, moi. Exactement. Ce sera un nouvel épisode d'anniversaire puisqu'on est déjà, on sera déjà à l'épisode 20. Et alors, je attends, sais pas vous, mais c'est passé. C'est incroyable. Il y a une tradition de épisode anniversaire, ça veut dire épisode avec un invité. Des gens. Mais oui. Un invité. Prochain épisode, il y a 3 invités. C'est saut, épisode avec un invité, c'est saut 10e anniversaire, quoi. Bah non, c'est ça, c'est premier confinement. Là maintenant, il y a trois invités. Trois invités dont un qui a déjà été enregistré, un qui veut pas venir et un qui veut bien venir mais pas parler du sujet qu'on veut aborder avec lui. Ça va être formidable. Génial, le malaise. J'ai dit être. Voilà, donc c'est l'épisode où il y a un peu du malaise qu'on pourra découvrir la prochaine fois. Eh bien écoute, après l'épisode disparu, l'épisode du malaise, il était temps. Mais pour pouvoir suivre cet épisode, il faut évidemment vous abonner au podcast sur vos plateformes de podcast préférées, noter, mettre des commentaires, partager auprès de vos amis, les 5 étoiles. Vous n'oubliez pas d'utiliser les liens affiliés, notamment sur nos réseaux sociaux, pour installer le navigateur Brave, le navigateur qu'on aime tant. Et en plus, c'est vrai, c'est un vrai lien affilié. Il y a vraiment des liens affiliés, j'en ai foutu partout. Comme un gros crevard. C'est le seul qu'on a, donc on en abuse. Et puis sur le Twitter, sur le compte Twitter de l'Estamineur d'aujourd'hui, si vous utilisez Brave et que vous avez envie de nous faire croquer quelques battes, nous sommes des créateurs Braves officiels et donc eh ben, on peut récupérer un peu des battes que vous aurez minées en regardant ces petites annonces à caractère publicitaire qui vous sont balancées par votre navigateur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Mon mot de la fin à moi, ce sera potiron et je vous dis à la prochaine fois. Moi, ce sera pétoncle. Moi, j'en ai pas. Eh ben, moi, je vous dirais de vous laver les mains, hein, évidemment.